Bonsoir et bienvenue sur Radio Debout. Nous sommes en direct de la place de la République. Au programme ce soir, un sociologue, Fabien Jebar, que Sophie va nous présenter. Ensuite, on fera un passage à Cannes. On aura des gens des Beaux-Arts qui seront avec nous. Des intermittents en lutte, absolument. Des informations sur ce qui se passe à Rennes. La commission vote blanc. Un moment sur les espaces ruraux. Absolument, et surtout ce soir, il y aura un vote important. Est-ce que la Nuit Debout va voter un processus constituant, c'est-à-dire la possibilité de mettre en place une assemblée constituante? Voilà, il y aura un vote ce soir très important. S'il est acquis à 80%, eh bien, il y aura peut-être la possibilité d'une sorte de démocratie qui pourrait tout d'un coup s'annoncer sous un nouveau jour grâce à cette constituante. Nous aurons donc du coup une réponse ce soir. C'est important. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le 75e jour de la Nuit Debout. Voilà. Absolument. Voilà. Donc la Nuit Debout. Nous sommes avec la Nuit Debout. Sur Radio Debout. Voilà. Sur Radio Debout. Avec toi, Sophie. Avec moi, Sophie. Et avec Fabien. Donc je vais vous présenter Fabien. Absolument. Alors voilà, donc Fabien Jobar, tu es chercheur au CNRS et au centre Marc Bloch de Berlin. Et tu es spécialisé, tu travailles en fait sur la police. Absolument. Alors bon, là je le fais rapidement, mais en fait tu as travaillé sur la sociologie de la police, sur le droit, les institutions pénales. C'est un domaine entre les sciences politiques et la sociologie. Et tu as fait beaucoup d'analyses comparées en fait des polices européennes, surtout la police française et la police allemande et la police anglaise, c'est ça, hein? Oui. Bon, et alors est-ce que je vais commencer par te poser une question un petit peu naïve, mais pourquoi tu t'es spécialisé là-dedans ? Oh ben, je me suis spécialisé là-dedans, comme tu dis, parce que quand j'étais étudiant, on travaillait en DEA sur la question des manifestations. Ça a l'air tout bête, on était en sciences politiques et à l'époque, au fond, on n'avait pas encore vraiment penser les manifestations comme des lieux, des moments d'expression politique. Sciences politiques, très, très classiquement, étudiaient plutôt, c'était la sociologie du vote et de l'élection. Et donc on s'est penché sur ces phénomènes-là et bien sûr, qui dit manifestation dit service d'ordre, dit police, dit maintien de l'ordre. Et donc je me suis intéressé à ça, notamment parce que j'avais suivi une manifestation, celle du 6 février 1993, qui était une manifestation commémoration du 6 février 1934, à l'issue de laquelle il y avait eu quelques affrontements place de la Nation entre des policiers et des jeunes, parmi lesquels quelques-uns se sont fait arrêter, juger. J'en connaissais deux et c'était très intéressant parce que l'un, qui était deux étudiants de Sciences Po, l'Institut d'études politiques, et l'un s'était radicalisé. Ensuite, il a fait 15 jours de prison dans des circonstances semblables 2-3 ans après. Et l'autre, en revanche, a totalement quitté l'activité politique, a tourné le dos à la politique. Je trouvais que l'impact de l'intervention policière sur les trajectoires militantes, les préférences politiques, j'avais trouvé ça très, très intéressant. Le rôle de l'institution judiciaire aussi. Donc j'ai continué de travailler sur ces questions-là. Oui, en même temps, ils n'ont pas du tout été aux mêmes endroits. Les trajectoires dont tu parles, là, ces deux trajectoires, finalement, elles sont, on ne peut pas vraiment justement dégager de loi. Eh ben, ouais. Voilà. Justement, c'est ça qui est intéressant, parce que si la loi est déjà écrite avant qu'on observe les gens, bon, c'est forcément moins intéressant. Et là, on a eu en effet boîte à bulles en physique. Là, on a eu un impact particulier, hein, l'interpellation, puis la condamnation judiciaire, et deux trajectoires tout à fait différentes. Ouais. Et alors, on va donc parler de la police, et on va parler déjà concrètement. Est-ce que tu peux nous dire combien ils sont? Les policiers? Oui, les policiers. Les policiers en France sont à peu près 130 000 fonctionnaires des services actifs. Il faut ajouter à ça 90 000 gendarmes, si mes chiffres, c'est des ordres de grandeur tout ça. Alors ça ne résume pas la question de savoir qui intervient en maintien de l'ordre, parce que d'abord, mais eux interviennent peu en maintien de l'ordre. Vous avez dans énormément de villes françaises, bien sûr, des effectifs de police municipale par dizaines de milliers. Et puis, lorsque vous avez des manifestations qui se déroulent à Paris, vous avez au fond trois forces de maintien de l'ordre. Les CRS, donc ça c'est la police nationale, les escadrons de gendarmerie mobile, ça c'est la gendarmerie nationale, ce sont des militaires. Et puis vous avez les sections les compagnies d'intervention, pardon, qui sont des sortes de CRS locaux propres à la préfecture de police et donc qui interviennent maintenant dans Paris et les trois départements limitrophes de Paris. Hein, donc ça sont des ce qu'on appelle des unités constituées. Et puis vous avez sans doute vu que lors de maintien de l'ordre interviennent également des polices chargées d'ordinaire du flagrant délit, comme les brigades anticriminalité. Vous pouvez avoir aussi les sections sportives de la préfecture de police ou bien la brigade d'information et de voie publique, qui sont des policiers en civil qui parcourent les lieux des manifestations avant qu'il y ait que les cortèges se mettent en place, donc quelques heures avant, qui viennent prévenir les commerçants qu'à 14h il faudra baisser le rideau, qui viennent regarder s'il n'y a pas des cocktails Molotov ou autres entreposés quelque part, s'il n'y a pas des chantiers qui sont ouverts, des pavés apparents, et qui ensuite, une fois que la manifestation commence, peuvent ou non se joindre à leurs collègues pour leur prêter main forte. D'accord. Alors là, il y a eu beaucoup de manifestations. À Paris, il y en a entre une et deux par semaine. En province, il y en a même parfois tous les jours. Des manifestations, soit des manifestations déclarées ou des manifestations sauvages. Et on a assisté quand même on a quand même été témoin de beaucoup de violences. Alors on va parler un petit peu des violences policières. On sait que des casseurs, il y en a dans les manifestations. Il y en a toujours eu des casseurs. Par définition, il y en a toujours eu, effectivement. Je suis assez surpris de lire les communiqués de presse effarés de la préfecture de police qui disent que jamais on a vu des casseurs aussi nombreux, aussi organisés, aussi déterminés, aussi violents. Les casseurs, c'est d'abord, s'il n'y avait pas de casseurs dans les années 70, on n'aurait pas évoqué durant toutes les années 70 la loi dite anti-casseurs, n'est-ce pas ? Donc le problème se posait déjà depuis au moins 1972. C'est quoi à l'époque dans les années 70 des casseurs? Sont ceux qu'on va appeler à la fin des années 70, début des années 80, les autonomes. C'est-à-dire en fait toute une nébuleuse qui refuse les grandes organisations syndicales, qui refuse même le principe de l'organisation syndicale et qui est pour l'action directe ou la propagande par le fait, la propagande par l'acte dans les cortèges manifestants. D'accord ? Une partie, une fraction minoritaire de ces mouvements compliqués à saisir va d'ailleurs former Action Directe au début des années 80. L'essentiel, c'est que c'est de souligner que des casseurs, oui, il y en a toujours eu à partir après mai 68. C'est-à-dire dans un contexte dans lequel le monopole de la rue par les grandes organisations syndicales, notamment par le Parti communiste français et la CGT, est frontalement remis en cause par la nébuleuse de mouvements de jeunesse, mouvements marxistes et anarchistes nés de mai 68. Et ça a duré jusque, je serais presque tenté de dire, ça n'a jamais cessé. C'est-à-dire que milieu des années 80, vous vous souvenez des manifestations contre la loi de Vaquet, Donc 700 000 personnes aux alentours de l'esplanade des Invalides début décembre, la nuit où Malik Oussekine est tué. Vous avez là des casseurs par milliers. 81% des gendarmes qui tiennent la rue, qui longent, qui se trouvent entre Air France et le ministère des Affaires étrangères sur l'esplanade des Invalides, sont relevés. C'est-à-dire que 80% ne peuvent plus tenir debout. On les relève. C'est dire la violence qui est engagée à cette époque. Donc à cet égard, c'est pas un phénomène nouveau. Non, c'est pas un phénomène nouveau. Je vois pas de, je vois pas d'organisation nouvelle. Je vois pas de degré. Je vois pas de saut qualitatif dans la violence employée par ces casseurs. D'accord. Pourtant, on a des manifestations parisiennes. Je ne m'aventurerai pas sur les actes divers parce que ça, je connais beaucoup moins. Et on a entendu dire, et sans doute là-dessus, entendu dire aussi qu'il y avait des casseurs qu'on laissait passer, des bandes de casseurs qu'on laissait passer à Gare du Nord pour leur permettre de rejoindre les endroits stratégiques, comme par exemple la place de la République, pour ensuite pouvoir agir de manière extrêmement... radicale en gazant la place, comme ça nous est arrivé dimanche 1er mai, quand nous on était en train de faire notre émission ici, la Radio Debout, et tout d'un coup il y a eu des nuages de lacrymogènes qui sont arrivés. Est-ce qu'on peut parler d'une mise en place d'une stratégie de la tension et de la confrontation? Alors effectivement, j'ai lu notamment des déclarations d'un policier qui est un policier syndicaliste à la CGT, donc qui, en dépit du nouveau code de déontologie du ministre de l'Intérieur Valls, bénéficie encore d'une certaine liberté d'expression. Ce syndicaliste policier expliquait que, en effet, l'unité CRS qui patrouillait aux alentours de la gare du Nord a signalé que déboulaient en direction de la place de la République des casseurs ou des gens animés de très mauvaises intentions, équipés, etc., et qu'on ne leur a pas donné l'ordre d'intervenir. Alors, évidemment, ce sont des choses qui sont un peu déroutantes. Participent peut-être d'une stratégie de la tension, qui simplement peuvent aider à introduire du désordre là où un mouvement s'installe. C'est-à-dire que pour le pouvoir, la nuit debout qui se met en place est quelque chose de menaçant dans la mesure où il s'agit d'une critique dans son propre camp, c'est-à-dire une critique portée par la gauche, et menaçant parce que le mouvement Occupy à New York et surtout les indignados de la Plaza del Sol à Madrid ont eu un impact considérable sur le jeu politique institutionnel. Et donc, il est tout à l'avantage du gouvernement de faire en sorte que ce mouvement ne s'éternise pas. Mais simplement, pour un gouvernement de gauche, taper sur sa propre gauche, c'est toujours très durement ressenti. Enfin, pour un gouvernement de droite, la question aurait été réglée beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire à mon avis. C'est-à-dire que l'occupation... Et donc, laisser faire des casseurs... Oui, par exemple, surtout qu'on est en contexte de... On est censé être dans l'état d'urgence. L'état d'urgence, voilà, ouais. Absolument. Mais voir des gens qui se chargent ici de mettre un désordre tel que ça intimide les participants, que ça les dissuade de revenir, que ça détruit divers matériels, etc., on peut bien sûr deviner tous les bénéfices qu'engrange à ce moment-là le gouvernement. Simplement, je suis là dans l'interprétation parce que je n'y étais pas et je me fonde là sur les propos de ce policier. J'interprète effectivement quels peuvent être les bénéfices collatéraux de ce type d'intervention. Et pour être encore un peu plus précis, pour ceux qui... comment ça fonctionne? C'est-à-dire, qui donne les ordres, en fait? La police en France, elle obéit à qui? La police en France, comme partout, elle obéit au gouvernement démocratiquement élu. Sinon, c'est un État policier. D'ailleurs, c'est intéressant. Hein, on disait souvent que les régimes arabes étaient des États policiers. Le seul État policier dans les régimes arabes était la Tunisie. Tous les autres étaient des régimes militaires. C'est intéressant de garder ça à l'esprit. Souvent, la police ne se mêle pas de politique. Mais pour revenir à nos démocraties... de chez nous, bien sûr, la police obéit au gouvernement et ensuite à l'autorité civile. Alors ça se traduit très concrètement dans les manifestations par le fait que c'est le préfet, représentant du gouvernement dans les départements, qui dirige les opérations de police depuis ce qu'on appelle la salle de commandement, et notamment la préfecture, la salle de commandement au sous-sol de la préfecture. C'est le préfet qui dirige les opérations. Et donc, en maintien de l'ordre, si vous voulez, en police quotidienne, le policier qui patrouille au coin de la rue, il a une grande marge d'appréciation sur ce qu'il va faire. Parce qu'il est là pour régler les rapports entre les gens, et circulation, etc. En maintien de l'ordre, ce n'est pas du tout le cas. Aucune initiative n'est laissée aux policiers et c'est le politique qui tient la main du policier. Là, en maintien de l'ordre, l'expression selon laquelle la police est le bras armé de l'État, elle vaut pleinement. Bon, eh ben on va passer à l'AG sur ces mots. La police, le bras armé de l'État. Allons écouter ce qui se passe à l'AG et on revient avec Fabien tout de suite après. Debout radio, debout radio. Debout radio, debout radio. Debout, debout, debout radio. Debout, debout radio. Ça, on n'en parle pas. Moi, j'invite à tous, de toute l'Assemblée qui est là, à venir... Mardi 24, 10h. place de l'Hôtel de Ville. S'il vous plaît, venez nombreux. Et plus le combat continue, plus on sera fort. Et plus le gouvernement devra s'écraser contre nous. C'est nous le peuple, c'est pas eux. Merci bien. Bonsoir, juste un petit mot pour vous dire que pour poursuivre la soirée, on propose derrière vous, sur les écrans, depuis d'ailleurs 14h, une programmation de films sur les banlieues de la République. Donc quartier populaire, quartier d'immigration, la banlieue, la montrer autrement parce que la lutte, elle se fait aussi dans les images. Et il y a un collectif Ciné-Lutte qui s'est créé pour proposer ces projections. Et à 21h, on propose notamment, avec l'association Belleville en vue, le film Brooklyn de Pascal Tessot, un premier long métrage autoproduit, un cinéma guérilla libre, voilà, qui montre la culture hip-hop et Saint-Denis et la banlieue autrement. Et la programmation continue demain avec toute une journée autour de la Palestine. Voilà, merci à tous. Merci. Donc je voudrais juste inviter tous ceux qui étaient intéressés par la proposition sur la Constitution à rejoindre la commission. Alors on est réunis à peu près, presque tous les jours vers 18h sur la place. Et au-delà de ça, donc, je rappelle l'adresse mail constituante2016@gmail.com et la page Facebook La Nouvelle Assemblée Constituante. Voilà. Ok. On enchaîne ? On enchaîne. Ouais, il y a la commission langue des signes, enfin les gens qui sont là, qui nous demandent de passer en priorité parce qu'ils doivent s'en aller, etc. Et puis dans le noir, ils ne voient rien, etc. Donc s'il n'y a pas plus de 5, 10 oppositions, on les fait passer avant, si ça gêne personne. Ça va forcément gêner quelqu'un, mais... Non, ça gêne personne. Ok. Alors, quelqu'un qui peut venir exposer la proposition ? Ouais. Et juste un petit détail, si vous voulez vous abstenir, on les comptera quand on n'oublie pas. C'est comme ça. Ok, on n'a plus de papier blanc. Qui propose ? C'est nous ? Qu'est-ce qui lit la... République ? Vous écoutez Radio Debout. Radiodebout.net. République. On est de retour sur le plateau de Radio Debout. Là, vous avez entendu, en fait, on parlait de Pascal Tessot, le réalisateur du film Brooklyn, et il va venir tout à l'heure, on va le recevoir tout à l'heure sur le plateau de la radio. Et on reviendra, bien sûr, à l'AG, à l'Assemblée constituante, et on vous tiendra au courant de ce qui s'y passe. Donc, on est de retour avec Fabien Jobard, et on parle de la police. Alors, Fabien, dans tes études, dans tes recherches, tu as travaillé sur la comparaison entre la police française et la police anglaise, d'une part, dans les situations d'émeute, dans la gestion des situations d'émeute, et aussi avec la police allemande. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça diffère, comment ça se passe ailleurs ? En fait, ce qui se passe actuellement, depuis une dizaine d'années, notamment depuis les sommets européens de Göteborg et de Heiligendamm en Allemagne, donc depuis la fin de la première décennie 2000, c'est une sorte de mouvement d'unification des pratiques de maintien de l'ordre en Europe. Alors, mouvement, la France reste encore en grande partie à l'écart de ces mouvements-là. Ce que les polices européennes actuelles essayent de faire, c'est de travailler sur un nouveau modèle de compréhension de la foule, un nouveau modèle de psychologie des foules, dans lequel ils considèrent que, au fond, les individus qui sont dans la foule gardent leur faculté de jugement. C'est-à-dire qu'ils restent des individus avant d'être individus. Une foule. Absolument. Les polices françaises fonctionnent plutôt sur un schéma hérité de Gustave Le Bon, fin du 19e siècle, auteur de La psychologie des foules, qui avait été un best-seller considérable à l'époque, contre lequel Durkheim avait pris position. Et Gustave Le Bon, lui, explique que dans la foule, l'individu se dissout. Et la foule devient un être collectif doué d'une animalité commune qui embrasse tous les individus. Alors, ce que, la traduction concrète de ça, c'est que l'action de la police dans, en Angleterre, en Allemagne, elle est différenciée. On parlait des casseurs tout à l'heure. Un exemple très concret, s'il y a des casseurs dans une foule, les policiers berlinois, par exemple, vont tout faire pour les interpeller. Les isoler, les interpeller un par un. Au cours de l'interpellation, pas deux jours après dans un communiqué de la préfecture, au cours de l'interpellation, d'autres policiers que ceux qui interpellent se déploient, vont au contact de la foule manifestante, expliquent ce qu'ils sont en train de faire. C'est une pédagogie en voilà. acte. Ouais. Pour éviter ce qu'ils craignent le plus, c'est-à-dire qu'une minorité violente gagne à elle le gros de la manifestation, et qui est d'ailleurs aussi beaucoup, en 86 c'était le cas, ce que souhaitent les casseurs eux-mêmes, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la propagande par le fait, la propagande par l'acte, c'est-à-dire gagner à soi le gros des troupes. Et donc pour éviter ce type de solidarisation, on communique, on parle, on explique. Et donc ce sont des images assez curieuses, hein. On voit deux policiers jaillir des lignes policières, se saisir d'un type ou d'une femme, l'éloigner, et d'emblée sortent 3, 4, 5 policiers avec des gilets jaunes marqués Anti-Conflict Team, et ils vont au contact des gens parler avec eux. C'est très... Et là, y a un gouffre avec ce que peuvent pratiquer les polices françaises actuellement. Parce que interpeller des gens, des interpellations ciblées dans des une foule, individus, ouais. ça, ils savent faire et ils y travaillent depuis notamment les manifestations CIP de 1994, qui avaient été des manifestations très compliquées à gérer pour la police parisienne. Donc ça, ils savent faire. Équipe légère d'intervention côté gendarmes, section de protection et d'intervention côté CRS. Mais simplement, ils font ça en n'ayant absolument pas le souci de convaincre de ce qu'ils font. Et donc, alors l'exemple le plus manifeste qui me vient à l'esprit sur ces derniers jours, c'est l'opération d'encerclement, de tronçonnage, de tronçonnement du de cortège récemment. Du 1er mai. Du 1er mai. Et le nassage des gens dans des isolements de petits groupes, nassage et gazage. Voilà. Alors, mettons même la question du gazage à part. Les gens qui étaient pris dans la nasse policière ne savaient absolument pas pourquoi ils l'étaient. Les policiers n'ont pas entrepris d'expliquer quel était le sens de leur travail. Et au bout d'un temps assez limité au fond, la foule prise ainsi en étau s'est retournée contre les policiers. À ce moment-là, vous enclenchez une dynamique d'escalade. Et donc, du coup, très vraisemblablement, gazage, usage de la force, etc. Au contraire, je parle d'escalade, toute la stratégie de des polices allemandes aujourd'hui, c'est désescalade, faire en sorte le plus possible que s'il y a violence, elle soit maîtrisée le plus possible en amont, et que surtout le gros des manifestants ne prennent pas fait et cause pour les auteurs de violence. Ça, c'est absolument fondamental. Et dans les armes qui sont utilisées, dont on a vu aussi beaucoup d'images de blessures circuler, en fait, en particulier, bon, il y a les coups de matraque, on a vu beaucoup de crânes ouverts, on a vu beaucoup de bleus, de bleus très très rouges, de tirs de flashball. Il y a des règles à respecter, non? Oui. Alors, par exemple, on doit faire des sommations, non? Normalement. Ouais, bon, les sommations, c'est un vrai problème parce que, bon, alors vous allez faire. Là, si vous faites des sommations à 15 mètres, personne ne vous entendra. Donc le régime des sommations, il est obsolète. Il rejoint le problème de la communication, une fois encore. Les policiers, les forces de police, là, en Angleterre, en Allemagne, elles ont oublié les sommations. Juridiquement, le régime des sommations marche chez eux aussi. Le régime des sommations, de la dispersion, etc. Mais ils savent bien que personne n'est à même d'entendre, n'est même à même de comprendre. En France, il y a trois sommations, première sommation, deuxième sommation, troisième sommation. Est-ce que, en ayant participé à des manifestations depuis quelques années, vous avez le souvenir d'avoir compris qu'à un moment on est sous le coup de la deuxième salve de sommation? Ça veut rien dire du tout. Alors à un moment dans les années 80, ils tiraient des fusées, alors les gens disaient oh la belle bleue, oh la belle rose, alors il y avait un code couleur sur les sommations. Bon, ça franchement le problème de la communication, c'est-à-dire que en Allemagne, en Angleterre aussi, on étudie le fait de disposer de haut-parleurs très puissants qui diffusent des messages, voire d'écrans LED qui diffusent des messages écrits à l'ensemble de la manifestation. Alors ça, c'est sur le régime des sommations qui montre que là aussi, la doctrine française est en retard. Alors, il travaille en ce moment, on travaille depuis quelques années, mais ça n'a toujours pas changé. Sur les armes, bien sûr, il y a des règles, bien sûr. Hein, il y a des règles qui sont des règles assez communes. Au fond, la règle essentielle, c'est la règle de la proportionnalité. C'est-à-dire que la violence doit être toujours proportionnelle à la fin à atteindre. Et je ne dis pas que... À la fin à atteindre. Oui, à la fin à atteindre. Pas à la violence exercée en face. Ah non. On n'est pas dans le cadre, on n'est pas dans le régime de légitime défense. Le régime de légitime défense, c'est précisément celui qui d'ailleurs distingue pas le citoyen du policier ordinaire. Hein. Le régime de légitime défense, vous en bénéficiez au même titre que le policier qui patrouille dans la rue en maintien de l'ordre. Non, la force est commandée par la proportion au fin but. Atteindre, au but recherché. Et on retombe sur l'une de vos premières questions, c'est-à-dire quel est le but d'un maintien de l'ordre. Le but d'un maintien de l'ordre en France, hein, c'est l'autorité politique qui en décide et qui est responsable. Hein, qui est responsable devant qui ? Devant les électeurs. Donc vous voyez, on est sur un régime dans lequel, au fond, la police dispose d'énormément d'instruments, d'énormément de moyens, mais in fine, c'est le politique qui est à la manœuvre, y compris dans l'usage de la force, puisque l'ordre de donner la force est toujours donné par le politique ou, à minima, le commissaire qui est sur place. Et juste pour conclure, tu as aussi travaillé sur tu as étudié les rapports du drame de Sivens, de la mort de Rémi Fraisse. Et où est-ce qu'on en est pour ce qui est des suites à donner à cette tragédie, donc ce premier mort en manifestation sous un gouvernement de gauche de la Ve République? Ah, je ne sais pas du tout. Alors sur l'actualité, là, je suis un peu pris en défaut parce que, comme tu l'as souligné, je ne travaille pas en France en ce moment et je ne sais pas du tout où en est la procédure Sivens. Ce qui est sûr, c'est que la commission d'enquête parlementaire, donc de l'Assemblée nationale, qui s'était réunie après ce drame et qui est une commission parlementaire portant non pas sur Rémi Fraisse ou Sivens, mais sur le maintien de l'ordre dans un contexte républicain, a eu quand même une fin très particulière. Le président de la commission d'enquête a refusé de signer le rapport de la commission. La commission était présidée par Noël Mamère, mais c'est en réalité, comme dans toute commission, le rapporteur qui tenait la plume in fine du rapport. Le rapporteur est un député socialiste de Seine-Saint-Denis. Et l'un des points d'achoppement entre le président et le rapporteur était la question de l'armement, notamment, et la question de l'usage des flashballs. Et si vous lisez le rapport de l'Assemblée nationale, vous verrez, pages 127 et 128, que le rapporteur explique, très embarrassé, et il dit son embarras, au fond, il refuse de doter le flashball comme équipement de certaines forces de police au cours de manifestations, en dépit même des blessures qu'il a pu contacter. Ils ont reçu, ils ont écouté le collectif des victimes du flashball, des victimes elles-mêmes, Joachim Gatti et d'autres. Ils les ont reçus juste avant que moi je sois écouté par cette commission. Mais ils ont refusé doter le flashball. Bah, sans doute que les pressions d'un certain nombre de sections de la police nationale, là, et police nationale et pas gendarmerie, ont été plus fortes. Peut-être aussi que lorsque dans le champ politique on se profile pour occuper des fonctions en matière de sécurité, on donne tous les gages possibles de fermeté et au fond d'alignement sur les positions les plus radicales des policiers. En ce qui concerne ce rapporteur en question, ça me semble être une hypothèse raisonnable que celle-là, vous voyez. Et ça, c'est tout à fait singulier de lire ça, parce que beaucoup de CRS, hein, ont été entendus par la commission et ont dit leur opposition à l'usage du flashball. Eux-mêmes ne sont pas équipés de flashball en tant qu'unité constituée. Et tout le problème vient, pour en rester à la question du flashball, des policiers qui ne sont pas des policiers de maintien de l'ordre, qu'on affecte à des opérations de maintien de l'ordre, notamment les brigades anticriminalité, et qui usent des moyens dont ils sont équipés désormais à titre individuel. Le flashball. Et ça crée les dommages que vous avez vus, ça crée une énucléation à Rennes, après une vingtaine d'autres depuis la généralisation du flashball au milieu des années de la première décennie 2000. C'est une énigme sur laquelle d'ailleurs les autres polices se penchent. Hein. Vous savez que c'est quand même au début des années 70 que les polices allemandes ont abandonné les grenades offensives. Il a fallu attendre 2014. Alors, paradoxe, enfin, l'ironie de l'histoire, c'est que c'est un peu avant Sivens qu'on a commencé à retirer ce type d'armement des forces de gendarmerie. Aucune police allemande n'utilise le flashball aujourd'hui. Aucune. On continue de l'utiliser en maintien de l'ordre, et pourtant, on n'équipe pas les polices, les unités de maintien de l'ordre de cet instrument-là. Mais c'est ce qu'a accepté donc la commission parlementaire, sauf son président Noël Mamère, qui n'a pas signé ce rapport. Eh bien, on va te laisser avec ce paradoxe qui laisse perplexe, je crois, tout le monde. Et on va... Merci beaucoup, Fabien. Merci Fabien Jobard. Et on va retourner... Non, à l'AG, non. Après, on va retourner à l'AG. Non. Radio debout. On retourne maintenant à l'AG, absolument, pour voir ce qui se passe place de la République. Très longue. Donc, je peux résumer en deux points. D'une part, lutter contre la mainmise du monde médical sur la vie des malentendants. Et d'autre part, lutter pour... Donc peut-être qu'on n'aura pas le temps de voir tout. Donc l'idée, c'est que si on n'a pas le temps, on continuera un autre jour. Donc là, j'appelle le porteur de proposition qui s'appelle Abstention, boycott, annulation, élection présidentielle 2017. Libérons notre imagination. Juste avant, il y a une dame qui avait demandé la parole tout à l'heure. Ah, pardon. Merci. À la jeune fille qui a dit que c'était peut-être un sujet trop restreint. République. Vous écoutez Radio Debout. Radiodebout.net. République. Hop là, nous quittons l'Assemblée Générale et nous retrouvons assis là autour de Radio Debout. Et la nouvelle est plutôt intéressante, le suspense élevé. Emmanuel, dites-nous, qu'en est-il de la constituante ? Eh bien, le projet pour un processus constituant de la commission constituante a été adopté à une énorme majorité. On n'a même pas compté les rouges, il y en avait quelques-uns, mais ils étaient invisibles. Pratiquement l'unanimité, pratiquement. La quasi-unanimité, oui. Alors, qu'avez-vous proposé ? Alors, je vous lis la proposition en trois points, donc, qui s'intitule pour un processus constituant. Donc, premier point, c'est l'AG Nuit Debout constate que pour fédérer le peuple et non rester dans l'entre-soi, il est important de ne pas nous focaliser sur nos combats sectoriels, potentiellement clivants, et qui sont tous en but à notre impuissance politique telle qu'instituée par la Constitution. Décide de s'orienter autour de la revendication unificatrice d'un processus constituant d'origine citoyenne et d'engager un premier cycle de réflexion et de propositions pour enclencher à terme un processus constituant aboutissant à l'écriture d'une nouvelle constitution citoyenne et démocratique. Attention, est-ce que vous pensez que cela est possible en moins d'une année avant les élections ? Personnellement, non. Je ne pense pas que ça... Enfin, si, engager le processus constituant, oui. Certainement. Engager le processus, on a commencé à l'engager dans la commission dès lors qu'on a organisé des ateliers constituants. Donc c'est le début du processus. Alors, hein. C'est un long calendrier de travail. Au pluriel, atelier constituant au pluriel. J'ai de l'écho d'un. C'est le coup dans mon micro. Vous écoutez Radio Debout. Le processus constituant est en marche. Tout va bien. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Debout. Nous sommes avec Jules. Jules, est-ce qu'on ne vous entend pas ? Tenez votre micro tout proche de la bouche. Voilà. Je vous ai croisé cet après-midi et l'ensemble de la population peut vous croiser à l'entrée là de la place de la République. Vous vous occupez de l'accueil, vous orientez vers les commissions. Aujourd'hui, on parle de 91 commissions. C'est beaucoup ? 91, c'est beaucoup et c'est un chiffre qui évolue tous les jours. Tous les jours, il y a des commissions qui se créent ou qui se disloquent ou qui fusionnent ou qui scindent. Donc c'est un chiffre qui est en constante évolution en plus. Alors, est-ce qu'il y aurait peut-être des commissions qui suscitent plus d'engouement que d'autres ? Bien sûr. Il y a des commissions comme l'économie politique, la commission éducation, la commission lutte, convergence des luttes, grève générale et action, qui ont créé le pôle lutte ensemble. Ça suscite énormément de passion et d'interrogations. Cet après-midi, une femme est venue vous voir et vous a dit « Voilà, moi j'aimerais à la fois une commission qui soit non-violente et puis une commission assez humaniste et puis une commission qui change le monde. » Alors, les gens arrivent parfois avec des désirs très larges, mais alors comment est-ce qu'on peut les orienter vers des cases, vers des commissions ? Comment est-ce que vous êtes important, hein, la commission accueil ? Parce que vous orientez un peu tous ces gens qui arrivent. Alors, le problème, c'est que les gens viennent souvent avec leurs idées un peu préconçues, à vouloir quelque chose de très précis, avec des idées très larges qui englobent des thématiques très très vastes. Donc on essaye de les orienter vers ce qui se rapproche le plus de leurs désirs. On essaye d'éviter... Au début, on crée des commissions un peu de ci, de là, tout le temps. On essaye un peu de limiter la création de commissions, parce que pour éviter que les forces se dispersent, on essaye de faire en sorte que les gens se soudent ensemble dans une seule commission, avec une thématique plus large, quitte à créer des sous-commissions, mais après, les commissions sont autonomes pour ça. Alors, la liste est longue, je crois qu'il y a un wiki. Est-ce que vous pourriez nous parler peut-être un petit peu justement de la manière dont on peut s'y retrouver ? Alors, au sein du wiki, les commissions, encore une fois, sont autonomes pour remplir leur wiki, pour mettre leurs informations, leurs comptes-rendus. On essaye de les forcer un peu, sans les menacer, évidemment, à remplir leur wiki. Parce qu'on n'est pas là non plus, la coordination n'est pas là pour faire ce boulot à leur place. Hein, on est là pour leur dire que ça existe, les inviter à aller vers cet outil qu'est le wiki. Mais comment quelques ça fonctionne wikis, là, vous pouvez nous dire d'ailleurs, pour les auditeurs, les wikis qui existent. Alors, là, j'ai la liste des commissions, en fait. Oui. Je vais vous en donner alors mes préférées. La commission Amour, que j'adore. La commission Amour est extraordinaire. Est-ce qu'elle regroupe beaucoup de personnes, cette commission? Non, pas trop, en fait. Pas trop? pas beaucoup. Ça fait un moment qu'on les a pas vus. Mais en fait, ils traitent du vivre ensemble. Mais c'est une commission que j'aime beaucoup. On a la commission Architecte Debout, qu'on peut voir souvent sur la place faire des dômes, ou la commission Atelier Constituant, pour notre ami qui était à l'antenne juste avant, ou la commission Éducation, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui est une commission qui suscite vraiment beaucoup d'engouement pour beaucoup de personnes. On peut voir des personnes, du coup, venir s'inscrire, devenir tout d'un coup professeur, enseigner, comme ça. Alors un petit groupe se retrouve tout autour d'eux, et puis par exemple aujourd'hui, il y avait tout un débat autour de la migration pour le travail. Voilà. Donc des personnes viennent s'inscrire, ces personnes... C'est la commission éducation populaire. Ce n'est pas la même, pardon. Il y a la commission éducation qui traite de sujets d'éducation, voilà, thématique liée à l'éducation nationale. À l'éducation nationale, c'est mon temps, ça, bon. Et il y a la commission éducation populaire qui fait des espèces de cours magistraux et lance des débats. C'est eux, d'ailleurs, ils arrivent très tôt, ils sont souvent là les premiers vers 13-14 heures. Ils ont envie de causer, ils ont très très envie de causer, comme ici, Radio c'est Debout. Ça. D'autres commissions importantes? Alors, on va en tirer une au hasard. Allons-y. La commission prison. Ah. La commission prison. Alors là, on les voit pas très souvent, mais ils ont des débats très enflammés autour des questions pénitentiaires. Très bien. Ils se réunissent plutôt quel jour? Et en général, je les vois plutôt le week-end. Très bien. Voilà. Ouais. Après, on n'a pas toujours de visibilité. C'est un autre problème qu'on a à l'accueil et coordination. On n'a pas toujours de visibilité sur le long terme pour savoir quand on peut avoir telle commission sur place. Alors, des gens qui viennent nous voir pour dire, ah, par exemple, moi, je voudrais la commission, Sciences Debout. Est-ce que vous savez quand ils se réunissent quand... Et les commissions ne nous informent pas toujours des lieux, des dates, des heures de réunion. Donc on n'a pas forcément de visibilité, mais elles sont autonomes pour ça et en même temps... Est-ce qu'elles font le job d'aller sur le wiki pour du coup s'inscrire, pour qu'on puisse les retrouver? Alors, le problème c'est que les commissions ne remplissent pas toujours le wiki de façon très spontanée. Très bien. Donc... On vient vous voir à l'accueil, vous aurez sûrement une idée chaque jour des commissions qui vont peut-être venir ici s'installer. Bien sûr, il y a des commissions qui sont fixes, les commissions économie politique, on sait, la commission anti-pub, on sait également quand ils sont là. Par exemple. La commission anti-pub tous les jours, 18h, derrière Radio Debout. Donc sinon, le conseil c'est de venir se promener tout autour de la place de la République, c'est ça? Non, le conseil c'est de venir à l'accueil, on a toujours une photographie à l'instant T des commissions qui sont présentes, mais on ne sait pas lesquelles vont arriver d'ici 2 heures. Très bien. Est-ce que toutes ces commissions... vont pouvoir, par exemple, donner quelques idées à cette commission préparatoire qui tente de mettre en place ce processus constituant. Est-ce que ces commissions-là, est-ce que vous avez justement des liens avec ces commissions? Est-ce qu'elles-mêmes viennent tout d'un coup diffuser quelques idées qui viendraient un petit peu nourrir la constituante? Pas suffisamment. J'ai une visite de la commission Avocat Debout qui s'est montré particulièrement intéressé par notre approche et qui est tout à fait d'accord également sur le fait qu'une constitution ne doit pas être écrite par des juristes. Les juristes peuvent être utiles lors de l'écriture d'une constitution. Une fois que les citoyens ont commencé à écrire des articles qui se veulent cohérents, pour trouver les failles et pointer des trucs, vous n'avez pas prévu tel cas. Et auquel cas, c'est aux citoyens à ce moment-là de corriger leur copie ou de rajouter des articles. Mais les juristes ne devraient être là que pour pointer les erreurs, pas pour écrire la constitution. Emmanuel, est-ce que vous êtes sur le wiki? Est-ce que vous pensez à donner rendez-vous sur Internet régulièrement? Pas suffisamment. Je fais mon mea culpa. Je suis allé voir. J'ai voulu modifier... quelque chose, je ne me rappelle plus bien. Enfin, ce que j'ai fait, mais ça ne m'a pas paru évident toujours. Ça passera pour cette fois. Pardon? Ça passera pour cette fois. On va y travailler. Emmanuel, justement, par rapport à l'Assemblée constituante, comment est-ce que vous vous êtes organisé par rapport aux autres Nuits Debout en France? On a eu des contacts ponctuels. On n'a pas, il y a rien de structuré. On a été en contact avec la Nuit Debout Toulouse et Nuit Debout Grenoble, qui travaillent également très fort sur sur des questions de constitution. Oui, on a eu Debout Toulouse au téléphone lundi dernier, justement, qui nous ont parlé de ce processus-là. Mais du coup, la question que je me posais, c'est à l'aboutissement de tous ces processus constituants, est-ce que vous allez faire une mutualisation ou est-ce que vous allez en parler entre vous Je pense qu'on est encore dans une phase où chacun d'entre nous doit étendre sa revendication de processus. Mm-hmm. Et à la limite, il faudrait que ça parte en étoile et que les branches des étoiles se rejoignent. Et c'est comme ça que ça devrait s'unifier. C'est pas quelque chose qui doit être hiérarchique. C'est pas les têtes pensantes qui doivent communiquer entre elles. Il faut vraiment, à la limite, si tous ceux qui m'entendent ont des idées eux-mêmes pour initier un processus constituant, qu'ils le fassent de leur côté. Oui, c'est ce que Debout a fait. Ils ont Debout Toulouse a fait. Ils ont lancé un appel pour que les gens donnent des idées pour lancer un processus constituant. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si au bout du compte, est-ce qu'il y aura un processus constituant unifié par toutes les Nuits Debout ou par tous les gens même de France, ou est-ce que justement, comme tu dis, ça va faire des étoiles un petit peu partout qui vont se rejoindre. Moi, je dirais qu'une fois que des tas de gens seront sensibilisés à la nécessité du processus constituant, il y aura un terreau fertile et à ce moment-là, il y aura les idées sauteront d'un bloc à l'autre, d'une association à l'autre. C'est pas forcément besoin d'avoir une association centralisée, hiérarchisée, étatisée. La seule chose sur laquelle il faudra que ces idées-là amènent une convergence, c'est sur un accord pour des règles sur la façon dont on va nommer une assemblée constituante, alors si possible de mon point de vue par le tirage au sort, et également comment on va faire travailler cette assemblée constituante. Et ça, ce sont des ateliers constituants qui doivent en décider, autrement dit des débats entre citoyens, entre gens sensibilisés qui doivent travailler sur ces règles-là, qui elles devront être amenées sur un wiki, peut-être capitalisées de façon à faire consensus, faire augmenter le débat et que le peuple français s'approprie de ce débat et ne soit pas surpris si un jour quelqu'un de leur famille ou eux-mêmes sont tirés au sort pour faire partie de l'Assemblée constituante. Très bien, Jules, des rendez-vous pour demain ? Alors demain, on a l'Orchestre Debout. C'est quand même un rendez-vous qui fédère énormément de gens depuis le début de la Nuit Debout. Ça va être la 3e édition, on aura le Boléro de Ravel, notamment ce sera à 15h, donc sur la place de la République. Je crois qu'il y a un rendez-vous boycott aussi très important, boycott global. Ah, le Global Debout. Global Debout. Le fameux Global Debout, oui, avec les réunions préparatoires de la semaine dernière. Donc demain. Et demain, normalement, on a aussi la seconde édition du nouveau processus de vote également. Donc, en quoi ça consiste en quelques mots ? Le processus de vote qui se clôt aujourd'hui, c'était un processus d'une semaine. Dimanche, ont été tirés au sort des propositions de vote à faire en Assemblée Générale qui ont été discutées pendant la semaine, qui a été très mouvementée cette semaine. Et donc, c'est voté aujourd'hui. Donc demain, il y aura deuxième édition avec de nouvelles opportunités pour des personnes de proposer des choses à voter en AG, que ce soit une Assemblée Constituante ou que sais-je. Et donc, on va s'en suivre un nouveau cycle de débats jusqu'à samedi prochain. Merci Emmanuel, on retourne à l'AG pour voir ce qui s'écoute avant d'aller faire un petit tour après à Cannes. Mais tout de suite l'AG. Une seconde, une petite annonce avant de poursuivre le débat. C'est court. Hein. Oui, bonsoir à toutes et tous. Nous sommes la nouvelle commission qui s'appelle la commission Éveil des consciences pour amener un peu plus de paix sur la place de la République et puis en France et puis sur toute la Terre. Voilà, pour que chacun puisse se reconnecter les uns les autres et être vraiment dans un seul mouvement de paix. Donc demain, rendez-vous 15h autour de la statue, plutôt entre la statue et cette rue-là. Là, je crois que c'est la rue du Temple. Et on va tous se réunir et voir ce qu'on peut faire, méditation, mantra, yoga, etc. Voilà, donc rejoignez-nous. Tu veux dire quelque chose ? Moi, c'est Clément et Miron. Oui, bah vous pouvez nous retrouver sur le wiki et puis on a un groupe Facebook qui s'appelle Commission Éveil des Consciences Nuit Debout sur Facebook. Et l'email c'est commission-éveil-des-consciences@gmail.com. Et puis je terminerai par une citation de Gandhi. Un seul individu éveillé et debout est plus dangereux pour le pouvoir que 10 000 individus soumis et endormis. Donc place à l'éveil. Et puis ouvrons notre troisième œil, on sera plus manipulable. Merci. Une seconde. Juste pour resituer les choses par rapport à ce qui s'est dit sur Podemos. Parle plus fort. Plus fort. Pardon. Juste pour resituer les choses un petit peu par rapport à ce qui s'est dit sur Podemos. Podemos n'a absolument pas perdu quoi que ce soit. Au contraire, il a gagné des mairies déjà, pas mal en Espagne. Ils ont un pouvoir et notamment en ce moment, il n'y a aucun gouvernement en Espagne depuis maintenant bientôt 4 mois. Et il y a des futures élections qui sont normalement qui seront dans d'ici un mois à peu près. Et Podemos est pour l'instant mis en tout cas en tête de liste. Alors je veux bien qu'il fasse en ce moment quelques associations pour s'assurer le pouvoir. Mais en aucun cas on peut dire que la droite a gagné et que Podemos a perdu. Donc moi je suis en faveur du boycott, donc pas de problème. Oui. Ok, alors moi pour réagir par rapport à ça, personnellement j'ai jamais voté et même avant d'avoir le droit de vote, je voulais pas. J'incite pas forcément les gens à pas aller voter et je comprends qu'on soit intéressé par l'idée de Mélenchon, mais pour moi c'est un professionnel de la politique. Et c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour arriver là où il en est. Et je pense que si un jour il est tout en haut, bah, il ne va pas vouloir perdre sa place qu'il a essayé d'obtenir tout le temps. C'est très louable ce qu'il dit, comme quoi il proposerait aux gens de réécrire une constitution. Mais je ne pense pas qu'on ait besoin de lui pour le faire. Moi, c'est ça qui m'a intéressé direct dans Nuit Debout. C'est que je me suis dit, bah, tiens, les gens se réunissent. Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser pour que tous les Nuits Debout... après pas forcément tir au sort, mais qu'on réécrive une constitution, que tous les Nuits Debout réécrivent une constitution, pour qu'ensuite on propose au peuple endormi, j'ai envie de dire, au reste du peuple endormi, que regardez ce qu'on arrive à écrire. Regardez comment on a écrit dans cette constitution Nuit Debout tous les contre-pouvoirs et comment on va réussir à faire en sorte que le pouvoir ne soit pas repris par des oligarques, beaucoup disent, mais des énarques, je ne sais pas comment on peut dire. Mais voilà, c'est pour ça que l'idée du vote blanc, bah, j'y pense depuis hier, parce que j'en ai discuté avec le monsieur, je ne vois pas où ça peut mener. Quoi. Si jamais on vote tous blancs, bah, on n'aura pas écrit de constitution, on n'aura pas fait quelque chose. Quoi. J'aimerais avoir plus de précisions sur ce sujet-là, mais pour moi, le vote blanc... voilà. Juste un petit point technique, on a installé un parquet chauffant au milieu, là, pas sur la périphérie, donc si vous voulez venir vous asseoir, il fait plus chaud. Voilà, plus on est serré, assis, plus il fait chaud. Bonsoir. Bonsoir mes amis. Je ne vois pas pourquoi vous vous tergiversez, monsieur, dame. 2017, c'est bientôt 2017, il reste un an. Un an pour 2017, mes amis. Un an. Et un an, c'est trop vite. Ça, le temps passe vite. Ça fait longtemps, mes amis, que les Français, ils se sont résignés. Oui, ça fait très longtemps que les Français, ils se sont résignés. Mais ça fait longtemps que les Français, ils ont montré qu'ils ont été à la hauteur des élections. À chaque fois que les élections, ils ont été représentés en face, les Français, ils ont été à la hauteur. À chaque fois, monsieur, dame. Permettez-moi, monsieur, dame, de vous dire que vous êtes mes amis, parce que ça fait plus d'un mois que je vous vois ici tous les jours. Plus d'un mois, monsieur, dame. Et tout le monde me connaît. Et je connais tout le monde. Et mes amis, avec tout le respect que je vous dois, je vous aime. Oui, je vous aime. Je vous aime, mes amis, parce que je suis triste. Mais grâce à vous, je suis fort. Vous m'avez rendu fort. Radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio debout, radio Et je crois qu'on est sur Radio Debout, enfin il me semble, hein, comme un chuchotement dans l'air. Toujours en direct de la place de la République sous nos petites banderoles, et je suis en direct au téléphone avec, je ne connais pas ton prénom d'ailleurs, mais tu es à Cannes. C'est Raphaël. Salut Raphaël de Cannes. Alors, on t'appelle ce soir parce que vous aviez, dans le cadre du Festival de Cannes, fait une petite action, je crois. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce que vous avez fait et pourquoi vous l'avez fait ? Alors, on a déployé une banderole à un balcon, juste en face de la montée des marches du Palais des Festivals, au moment de la montée des marches de Ken Loach pour la présentation de son film. Banderole qui disait « Démocratie, mon cul, bloquons l'économie ». D'accord, c'est ce qui ne manque pas d'humour. Non, c'est sûr. Et alors, est-ce que les gens, les gens du festival ont vu cette jolie banderole ? Alors, on a essayé de faire un maximum de bruit, mais avec la sonorisation du DJ, de la montée des marches et de la présentation, tout ça, tout le monde n'a pas pu nous entendre et se retourner pour voir ça, mais la presse en parle beaucoup. D'accord. À défaut de vous avoir entendu, on vous a vu. C'est ça. C'est déjà pas mal. Et alors, donc cette banderole avec marqué « Démocratie, mon cul », c'était pour défendre les intermittents ? Qu'est-ce que... Alors, c'était une action de la coordination des intermittents et précaires. D'accord. La CIP, qui défend les droits des intermittents, mais pas que, qui défend les droits de tous les chômeurs et des précaires à travers la défense de nos droits dans l'UNEDIC. Et on se sent concerné également par la loi travail, parce que l'article 52, notamment, touche aussi aux droits des chômeurs. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être un peu entendu par les gens du festival ? Parce que mine de rien, les intermittents, il y en a quand même beaucoup dans le monde du cinéma. Et vous avez l'impression que c'est un... Je sais pas, que ça touche les gens qui sont au festival ou c'est... Ben, c'est assez aléatoire. On a eu une intervention à l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs qui était programmée, où on nous a laissé une petite quinzaine de minutes pour présenter notre combat. Ouais. Mais après, c'est sûr que sur la programmation pour la Palme d'Or, là, ça en parle beaucoup moins. Même si là, ça avait beaucoup de sens parce que le film de Ken Loach parle beaucoup des problèmes des droits sociaux, etc. Et du coup, ça avait beaucoup de sens de faire ça à ce moment-là. Et alors, je suppose que la banderole n'est pas restée très longtemps dans le paysage cannois, si ? Non, un peu moins de 10 minutes. Ah, quand même ! Ouais, ils ont mis 8 minutes, je crois, à intervenir. C'est parce que vous étiez haut, le temps qui monte, en fait. Bah, c'est parce que les CRS nous ont vus tout de suite, mais les CRS peuvent pas intervenir sur ce genre de truc. Il a fallu que la BAC arrive, tout ça, ça a pris un peu de temps. D'accord, et vous avez été poursuivi après, ou comment ça s'est passé, cette fin de banderole ? Alors, on a été mis en garde à vue pour violation de domicile et pour violence en groupe. Violence légère en groupe, parce que, en fait, l'immeuble était grand ouvert. Mais comment l'appartement ça se fait, c'était un immeuble vide ? C'est un immeuble où, a priori, les appartements sont loués à des boîtes de production, à des radios, pour faire des interviews durant la journée, tout ça. Et là, du coup, les locaux étaient vides, les femmes de ménage étaient en train de faire le ménage, tout simplement. Et du coup, on est rentré un petit peu en force dans l'appartement, mais il n'y a pas eu effraction, parce que tout était grand ouvert. Du coup, on a été relâché avec un simple rappel à la loi et une injonction à ne rien faire à ne rien faire pendant un an, à rester calme. D'accord. Et vous allez rester calme pendant un an et vous reviendrez l'année prochaine pour le 70e voilà. Festival. Même date, même heure. Et ben, peut-être que nous aussi, on sera là. Merci beaucoup, Raphaël. Je vais te laisser. Et puis, bonne suite, bonne vie. Et bah, vous également. Salut. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Debout et je suis en compagnie de Karim. Exactement. Et de Pierre. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous laisser enchaîner. D'accord, ok. Salut. Alors, on enchaîne. Salut Karim. Donc, Karim, toi, t'es un membre de la commission Sérénité de la Nuit Debout. Mais ce soir, tu vas donc parler un peu plus en détail de ce qui s'est passé aux Beaux-Arts ces derniers jours. Donc pour rappel, tu vas nous le faire d'ailleurs le rappel, donc comment ça s'est mis en place l'occupation des Beaux-Arts? Ah, alors, c'est bon. 1, 2, 1, 2. Oui, c'est bon, on m'entend. Alors, du coup, concrètement, comment ça s'est passé? Déjà, pour commencer, moi, j'y suis venu, en fait, après la manifestation, lorsqu'on était à l'Assemblée Générale de l'Assemblée Nationale. Il y a eu un appel qui avait été mis en place par Paris Lutte Info. Sur le coup de 19h, sauf que c'était un communiqué qui devait à la base apparaître à 22h, il me semble. Donc j'y suis parti puisque lors des manifestations, je suis en street medic, donc je soigne les blessés des violences policières. Et concrètement, on y est parti ensemble en équipe pour faire une réunion pour pouvoir discuter du communiqué, etc. Et il y a eu pas mal de monde qui sont venus, du coup. Tu me parlais tout à l'heure de 300 et 400 personnes. Oui, il y a eu la première nuit, oui, il y a eu 400 personnes qui sont venues, en fait. Bon, concrètement, c'était. T'avais tout, quoi. Il y avait du manifestant, des mecs de Paris 8, de Paris 1 qui sont aussi manifestants, bien sûr, et des personnes de nuit debout. Enfin, il y avait pas mal de monde. Concrètement. On s'est réunis avec quelques personnes qui font de la street music pour se dire qu'est-ce qu'on fait. On reste là, à faire en sorte, imaginons qu'il y ait une attaque de la police, de pouvoir soigner les blessés. On avait tout le matos sur nous. Et j'y suis resté et j'y ai dormi, quoi. Ok. Donc vous avez commencé cette première nuit d'occupation Il y a 2 jours. Il y a 2 jours, voilà. Comment ça s'est passé ensuite? Parce que du coup, les Beaux-Arts eux-mêmes, donc les étudiants des Beaux-Arts, apparemment, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'occupation de cette salle. Oui, alors il y a eu, d'après parce que j'ai pas mal observé, je suis quelqu'un de très observateur qui fait en sorte, en fait, de bien comprendre les situations avant de pouvoir m'y insérer, quoi. Si tu veux, il devait être environ 10h du matin, il y avait des étudiants qui étaient donc réticents, en fait, à cette occupation, à cette habitation. Il y a eu des échanges assez tendus dès 10h du matin entre les étudiants qui souhaitaient occuper, habiter, et les étudiants qui étaient réac et contre le fait d'y habiter. Et alors ces étudiants réac et contre, comme tu dis, qui est-ce que c'est dans s'en fiche, mais quels étaient leurs arguments? Alors leurs arguments, après les avoir écoutés longuement, il y a eu quelques tags en fait qui ont été peints sur des murs type ACAB, etc. Mais rien de grand, rien de vraiment méchant, quoi. Et aussi du plâtre sur dans la cour. Le plâtre dans la cour, ça peut ça, parfois. Ça fait des ordres. Ouais. Voilà, ça fait des ordres. Parce qu'on est dans un bâtiment très luxueux, donc qui a une histoire. Tu as l'air de les porter dans ton cœur assez chaleureusement, je crois. Qui ça? Les gens qui n'étaient pas contents que vous soyez là. Ouais, parce qu'ils ont, ils ont quand même des réponses, des arguments qui sont. C'est très mitigé. D'accord, ok. Oui, c'est quand même la confrontation qui fait ça. Mais exactement. C'est vrai que. Du coup, comment ça a continué, du coup, cette occupation? Alors, concrètement, après ce rapport de force, les étudiants des Beaux-Arts, en fait, qui étaient donc pour cette occupation, contre cette occupation, et la direction se sont réunis, en fait, pour justement statuer, en fait, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui se faisait. Ce qui a été ressorti, c'était que dès 22h le soir même, en fait, tout le monde devait être parti, à part peut-être les étudiants des Beaux-Arts ou autres, s'ils souhaitaient partir, ou alors y rester, quoi. Donc finalement, les gens contre l'occupation ont eu gain de cause. C'est pas vraiment qu'ils ont eu gain de cause. La direction suivait, en fait, cette habitation, cette occupation. Il faut savoir que les étudiants, en fait, des Beaux-Arts, si je devais faire un petit rappel, un parallèle entre guillemets avec Nuit Debout, ont subi des violences policières assez nombreuses, notamment la plus grosse qui a été le 28, lorsque les CRS ont chargé les châteaux qui étaient construits, ça devait être le quatrième. Par les étudiants des Beaux-Arts, du par coup. Les étudiants des Beaux-Arts et d'architecture. Alors on rappelle juste ça, donc le 28 avril, le soir, il y a eu une construction de châteaux sur la place de la République par les étudiants des Beaux-Arts, qui ont été détruits à coups de canons à eau par les CRS avec une sacrée violence quand même. Donc ça nous avait un peu étonné sur le coup aussi. Et du coup oui, il y a eu un communiqué de presse fait par les professeurs en fait, concernant ces violences policières et afin de les dénoncer, signé par une quarantaine de professeurs illustres en fait, des Beaux-Arts. Et du coup après ce communiqué, du coup il y a eu, pour revenir du coup à l'histoire, il y a eu des discussions qui ont été mises en place. Suite à ça, il y avait une volonté en fait de ne pas faire d'AG à 18h, puisque à 14h donc il y avait la réunion et à 18h il y avait normalement une assemblée générale qui a quand même été tenue par des étudiants des Beaux-Arts, par la personne qui était la plus entre guillemets contre et réac de l'école d'architecture, limitrophe, enfin à côté de l'école des Beaux-Arts. À côté de l'école des Beaux-Arts. Et de personnes, des étudiants de Paris 1, de Paris 8, etc. Donc du coup, il y a eu cet AG. Lorsqu'il y a eu cet AG, concrètement, il y a eu un vote qui a été ressorti pour l'habitation, pour l'occupation et pour la mise en place d'une autogestion entre guillemets entre les étudiants des Beaux-Arts et les personnes qui souhaitaient justement s'investir dans de l'action quoi. D'accord. Donc on va faire une petite pause ici et on va retrouver un petit peu un parallèle de votre histoire avec Rennes. Alors nous avons Rennes au téléphone, semble-t-il. Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour, qui est à l'appareil ? Comment tu t'appelles ? C'est Jules, Manu. Pardon ? Manu. Jules. Ah, Jules, salut Jules, pardon. Alors, donc Jules, tu étais à la Maison du Peuple, du coup ? C'est ça, ouais, enfin, quand elle était encore à nous. Quand elle était encore, quand vous étiez encore dedans, ouais. Et du coup, comment ça s'est passé depuis que vous n'êtes plus dedans ? Enfin, voilà. Comment est-ce que vous vous êtes fait évacuer du coup ? Nous, on avait encore eu un correspondant de Rennes lundi dernier et ça a été un petit peu, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, on voulait avoir des nouvelles. D'accord. Alors, je vous raconte comment ça s'est passé l'expulsion, c'est ça ? Oui, rapidement. Alors en fait, on avait une convention avec la mairie d'occupation et... au bout de quelques jours, en fait, des manifestations sauvages ont commencé à partir de la Maison du Peuple, ce qui était complètement prévisible, mais la mairie ne l'entendait pas de cette oreille. Ça leur a ouvert les yeux sur la réalité du truc, et en fait, ils ont décidé de revenir sur leur avis et d'organiser l'expulsion de la Maison du Peuple. Oui, c'est ça. Donc, d'ailleurs, on a eu cette impression-là en suivant les choses sur les réseaux sociaux, c'est que l'expulsion de la Maison du Peuple avait été un petit peu corrélée aux manifestations sauvages qui étaient parties de Rennes, un petit peu comme une punition, un peu. Oui, on peut voir ça comme ça. En fait, il y a eu ouais, des manifestations sauvages dans le centre-ville qui avait été interdit par la préfecture et la mairie. C'était évident que ça allait avoir lieu, mais la mairie a quand même voulu signer une convention qui était, enfin, c'était un peu bidon avec la Maison du Peuple. Et ils ont subi, je pense, une bonne pression de la part d'une partie du conseil municipal, etc. Ouais. Et finalement, ils ont décidé d'expulser, et je pense que c'est lié aussi au passage du 49-3 en fait. D'accord. Ils se sont dit bon, maintenant c'est fini tout ça, on stoppe le mouvement, on évacue la Maison du Peuple qui était donc à Rennes, le lieu central de l'organisation de tout ça. Ah, de vous pensez que c'est lié au 49-3 alors ? Et l'expulsion, je pense que c'est une volonté d'en finir. D'accord. Okay. Avec ça. Du coup, est-ce qu'on peut peut-être dresser un parallèle avec les grosses violences qu'il y avait devant l'Assemblée nationale et cette espèce de répression extrêmement disproportionnée. Enfin, c'est un parallèle qui n'engage que moi, mais voilà, je le dresse quand même. Oui, je pense que c'est pas un parallèle idiot. Hein. Je pense que c'est lié à tout ça. Super, merci. D'ailleurs, je Ouais. Non, je me demandais comment du coup c'était passé l'expulsion rapidement. Alors l'expulsion, fait, ouais. Moi de mon point de vue, je n'étais pas dans la maison au moment de l'expulsion. D'accord. Mais je dormais dans le quartier de Sainte-Anne au moment où ça a eu lieu. En fait, je me suis réveillé, je suis sorti de chez moi et je suis arrivé devant la maison qui était donc assiégée par les forces de police. On s'est retrouvé à une petite cinquantaine. Je pense qu'il y avait au moins une cinquantaine de personnes à l'intérieur de la maison du peuple qui avaient passé la nuit dedans, qui étaient barricadées, qui avaient fortifié un peu le lieu. Il y avait pas mal de gens, notamment sur le toit. Et nous, à l'extérieur, on a créé une sorte de mini-manifestation d'appoint, en fait, qui est venue se mettre autour des forces de police et pour soutenir nos camarades, quoi. D'accord. À partir de là, on a vu donc en fait les policiers rentrer dans l'enceinte, parce qu'il y a une petite cour en fait devant la maison du peuple, et commencer en fait à ouvrir les barricades, à les découper avec des meuleuses, etc. Okay. Donc ils ont fait d'abord évacuer le rez-de-chaussée, et ensuite ils sont intervenus via une échelle de pompiers pour déloger les gens qui étaient sur le toit, et également via le RAID. Le RAID a été déployé. Via une nacelle de chantier du chantier voisin, donc qui leur a été gracieusement prêtée par Vanti. D'accord. Donc ils sont descendus par la voie des airs. Ah oui, d'accord, toit. Très bien. Alors, pour dégager tout le monde. D'accord, ok. Et donc le RAID commence à prendre une sacrée implication là-dedans aussi, parce qu'il se trouve qu'il a été impliqué aussi dans l'évacuation des Beaux-Arts, dont on va reparler tout à l'heure avec Karim. Ouais. Comment est-ce que vous envisagez la suite des choses, vous, par rapport à l'action de Rennes? La suite, elle s'est pas fait attendre. Nous, on a commencé directement, suite à l'évacuation, à lancer des chants dans la contre-manif qu'il y avait au pied, même si on n'était pas nombreux. On a pris des lacrymos dès le matin. Moi, je suis allé au taf derrière, voilà, ça commençait bien. Le soir, il y a eu une manifestation de contestation de cette évacuation qui est parti de la place Sainte-Anne. On a été dégagé par les forces de police directement, coup de lacrymo. Et ensuite, une fois qu'on a quitté le centre-ville, on a déambulé partout. Il y a eu beaucoup de casses, mais aucune intervention policière. Parce que le lendemain, il devait y avoir cette manif anti-violence policière. Et en fait, ils ont laissé tout casser. Ah, ouais. pour légitimer une énorme présence policière aujourd'hui, qui nous a complètement confinés dans le centre-ville. On a rien pu faire. Mais personne ne lâche. Il va continuer à y avoir des AG, des manifs sauvages qui vont partir de partout. Je pense que là, on arrive à un moment où... ou si pour certains la situation était encore peut-être à la négociation au départ avec la mairie et la préfecture, ça l'est de moins en moins, car on voit que de leur côté il n'y a aucun effort de fait à ce niveau-là. Les gens sont de plus en plus déterminés et ça risque de vraiment partir loin, et ça va vraiment pas s'arrêter. C'est une très mauvaise démarche de la part de la mairie et du préfet. Alors justement, j'ai deux petites questions encore pour terminer. Simplement par rapport à l'intervention du RAID dans votre dans la maison du peuple, est-ce que le RAID était armé? Alors moi, j'étais beaucoup trop loin pour le voir. D'accord. Ils avaient les équipements, en tout cas défensifs, hein, ils étaient en armure, etc. Les FAMAS. Moi, j'étais vu du bas de la rue. Eux, dans leur nacelle, étaient trop loin pour que je voie quoi que ce soit. D'accord. Sur les photos, je me souviens pas d'avoir vu des armes, peut-être. Après, on n'a pas attendu d'avoir le RAID armé pour avoir des forces de police armées dans le centre-ville de Rennes. Le Parlement est notamment défendu par des policiers équipés de pistolets mitrailleurs G36 à balles réelles. Bonjour, on a vu des carabines. Okay. Il y a déjà des armes à feu réel déployées dans Rennes. D'accord. Donc le RAID n'a pas été non plus très nouveau à ce niveau-là. Ça nous a juste choqué qu'une force d'intervention antiterroriste soit déployée pour dégager des mecs complètement pacifistes d'un toit. Ouais, c'est ça. Des mecs qui faisaient une émission de radio, quoi. Voilà. Et donc, vous avez beaucoup de blessés? Alors là, les blessés, je saurais pas trop vous dire. D'accord. Okay, il y a des chiffres qui circulent sur Internet. Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y en a pas spécialement eu. Il n'y a eu qu'un tir de flashball, je crois. Ok. Il y a eu beaucoup de gens traités suite à l'usage massif de la fluor, mais il ne me semble pas qu'il y ait eu de blessés aujourd'hui. Non, je crois qu'en fait, suite à l'histoire du tir et du camarade qui a perdu un œil, oui. La police est assez frileuse, même si elle ne se gêne pas du tout à nous en mettre plein les yeux et la gorge. Mais ouais. C'est au niveau des coups d'armes potentiellement létales. Ouais. Je pense qu'ils sont un petit peu plus regardants. Okay. Après. Ils sont quand même bien présents et bien. Oui, d'accord, la violence est ailleurs. Bien agressif. Ok. Voilà. Bah merci beaucoup, Manu. On reviendra peut-être. Jules. Pardon, Jules. Oh, excuse-moi, depuis tout à l'heure, on confond. Merci beaucoup, Jules. Et on reviendra peut-être vers vous dans le cours de la soirée. On va revenir avec Karim qui était avec nous à Paris avec les Beaux-Arts. Alors Karim, toi du coup, le raid est intervenu aussi donc à... Non, le raid n'est pas intervenu. Ah super, d'accord, j'ai dit ça juste pour teaser un peu du coup, mais... Non, le raid n'est pas intervenu. Très bien. Ça a été la BAC, les policiers, les CRS quoi. Ok, très bien. Les BAC en surnombre, et des petits jeunes en plus. Ah ok. Ça se voit qu'ils sortaient de l'école. D'accord. Et comment, vous, est-ce que vous envisagez l'ensuite par rapport aux Beaux-Arts ? Est-ce que vous avez récupéré des gens qui savaient pas comment agir et qui maintenant ont essayé de s'organiser un petit peu ou, Alors, concrètement, pour revenir, en fait, oui, donc ce matin, ouais. Les flics ont débarqué à 6h30 pour nous demander de partir, entre guillemets. Hein. Ouais. Moi je t'avouerai que là je me suis un peu reposé cet après-midi donc j'ai pas eu le temps en fait de rediscuter avec les étudiants des Beaux-Arts s'il y allait avoir des actions mises en place. Après j'ai pris des contacts de personnes qui souhaitaient qui étaient déterminées en fait pour pouvoir par la suite créer des choses s'il y a des choses à créer, mais bon vu qu'on s'est fait virer ce matin et qu'aujourd'hui en fait les étudiants des Beaux-Arts devaient envoyer un communiqué de presse concernant l'habitation. Les plans sont un peu compliqués, quoi. D'accord. Et sur quelle décision vous êtes fait expulser de des Beaux-Arts ? Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre et qui est factuel, en fait, ça serait donc le ministère de la Culture qui aurait en fait décidé en fait de passer outre l'accord en fait du directeur pour pouvoir en fait intervenir quoi. Donc les décisions prises étaient de ne pas y aller en force, donc de ne pas envoyer les CRS, de ne pas envoyer le RAID, de ne pas envoyer le GIGN et la BRI et même l'armée s'il faut, simplement puisqu'il y avait des œuvres d'art inestimables, que c'était un bâtiment qui faisait partie du patrimoine français, donc ils ont envoyé beaucoup de backeux. Ok, et donc l'intervention officielle a été donnée donc par le ministère de la Culture, selon toi, pour vous dire. Mmh. Très bien. Donc, merci beaucoup Karim. Mmh. Je pense que, si à moins que tu aies quelque chose d'autre à dire, je pense que ça fait du bien aussi de... Alors oui, je ferai une petite... mini-intervention rapide. Il faut savoir que les étudiants des Beaux-Arts, j'ai pu discuter beaucoup avec eux, avec les personnes qui étaient réticentes, comme les personnes qui étaient pour et d'autres étudiants. Je pense qu'il est important de pouvoir maintenant, après donc le 49-3, après les violences policières, après cette répression qui actuellement est un peu dangereuse en fait pour les générations futures, puisqu'elle crée en fait ce qu'on appelle de la génération, de la chair à canon, enfin des jeunes qui vont partir, qui vont lutter face à ce gouvernement qui est super répressif. Je pense qu'il est important en France, et là j'appelle moi pour ma part à toutes les personnes qui sont en France, si vous avez la possibilité d'habiter un lieu qui représente le patrimoine français, qui représente le patrimoine français, qui représente un peu cette société, habitez-y, vivez-y, respectez-le bien sûr, mais allez-y, n'ayez pas peur. Si en fait le fait d'habiter un lieu pour pouvoir préparer des choses fait peur. Alors faisons peur et concrètement, faisons comme à Rennes, quoi. C'est ce qu'il faut croire, visiblement, puisque les occupations de lieux comme ça, les habitations même, comme tu dis, en effet, c'est quelque chose qui semble faire peur, vu les moyens qu'ils déploient pour empêcher ces rassemblements. Donc là, on a la place de la République qui est de temps en temps... qui est tous les soirs à nous, mais du coup on peut aussi se débrouiller pour occuper ces lieux-là, quoi. Mmh. Et ben, merci beaucoup Karim. Merci à toi. On va retourner à l'AG tranquillement, sachant que c'est bien aussi, oui, comme tu dis, de se reposer un petit peu parfois. Il faut se reposer, et reposez-vous, hein, le sommeil est extrêmement important, ouais. Vous qui m'écoutez. Est-ce que vous avez créé la commission Dormir Debout? Non, mais il y a eu des personnes qui ont veillé en fait les deux soirs en fait pour faire gaffe comment ça allait se dérouler. Petite anecdote ce matin quand les backers nous ont délogés, vu qu'il y a une super acoustique, j'invite vraiment les gens à venir au Beaux-Arts. D'accord. Franchement, je les invite, c'est magique. Lorsque des gens chantent ou parlent, on les entend et fort. Même si je chuchote entre D'accord, et okay. Quand les flics sont intervenus, j'étais en train de faire « Pshhh, taisez-vous !» Et par trois fois, en fait, ils étaient limite devant moi, et je leur demandais juste de se taire, en fait, et de me laisser dormir. Super. Bon, bah, merci pour cette anecdote. Et à bientôt, Karim. Bonne soirée. Projet de centre hébergement pour mineurs isolés étrangers. Une deuxième proposition donc, qui concerne la campagne d'action pour le droit au logement et à la ville en Île-de-France. Et une troisième proposition à propos de la déclaration en préfecture de police. Voilà. Donc on va demander à une main innocente de bien vouloir tirer au sort. L'une des trois. Voilà, quelqu'un. Allez. Alors juste avant, il y avait un petit point technique. On me parle d'une action qui va avoir lieu demain, dimanche 15 mai. Rendez-vous action, on bloque tout. Dimanche 15 mai à 13h à Châtelet-Léal sur le quai du RERB direction Robinson pour une action d'envergure en mode blocage économique contre le travail le dimanche à l'appel des comités d'action. Voilà, donc à faire tourner massivement dans vos réseaux. Alors, donc la proposition qui a été tirée au sort est donc à propos de la déclaration en préfecture de police. Donc Sophie va venir nous la présenter. Donc je rappelle que donc nous sommes ici pour l'assemblée de décision, donc dans le cadre du processus de vote test qui a été mis en place, donc qui a commencé samedi. Donc samedi, il y a eu une assemblée des propositions. On a sélectionné, on a présenté 12 propositions. Donc 11 ont été envoyées en travail pour être votées aujourd'hui. Ensuite, il y a eu un désistement et donc il y a eu 10 propositions restantes. Et les proposants qui étaient là étaient au nombre de, je ne me rappelle plus exactement, mais donc ceux qui étaient présents, donc nous avons débattu et voté les propositions. Voilà. Est-ce que Sophie est là? Alors Sophie, en fait, est en train de passer à la radio, donc elle demande à ce qu'on puisse tirer une autre proposition et puis qu'elle viendra après si elle peut. Alors, donc on va passer à une autre proposition. Donc Radio Debout, toujours en direct de la place de la République. Voilà, nous sommes donc avec Sophie Tessier. Bonsoir, Tissier, excuse-moi. Moi, les E, les I et les A, les voyelles sont compliquées dans mon vocabulaire. Puis ma dyslexie aussi, n'aidant pas. Tu es là ce soir, entre autres, mais en tout cas, pour nous donner un petit peu des nouvelles du front des intermittents. Donc toi, qu'est-ce que tu sais là maintenant qui se passe par rapport à cette loi, à cette proposition de changement du système, là où ça en est et quels sont, parce qu'on est quand même inquiets, enfin... Moi, personnellement, je suis inquiète, même s'il y a des belles choses qui se sont passées. Je suis surtout très inquiète aussi pour tous les gens qui ne sont pas intermittents et pour le système de l'assurance chômage classique. Toi, en tant qu'intermittente, comment moi, tu... Bah, actuellement, rien n'est gagné. C'est-à-dire qu'il y a une communication hyper voluptueuse et mensongère du gouvernement qui est en train de dire que oh, c'est génial, regardez, un accord fabuleux, historique est passé, mais en réalité, rien n'est acquis. Et justement, ils cherchent clairement à nous démobiliser et à faire croire que c'est bon, regardez, les écoutez plus, ils gueulent pour rien. Non, rien n'est gagné, rien n'est acquis, puisque ce sont uniquement les partenaires du spectacle qui ont signé cet accord entre syndicats et de patrons et de salariés du spectacle qui ont signé un accord, mais cet accord doit être validé par l'Interpro, par le MEDEF, et on sait que le MEDEF, tout ce qu'il veut, c'est mettre le statut des intermittents sous le paillasson et surtout l'empêcher de progresser. Donc rien n'est acquis, il faut absolument qu'on continue à se mobiliser et qu'on fasse pression à tout prix, surtout avant la fin des festivals, parce que là, tout est fait pour repousser un peu l'avancée des négos. Alors là, le Festival de Cannes, ils avaient des grandes craintes qu'il y ait des actions de blocage, qu'il y ait des actions médiatiques pour dire attention, l'assurance chômage est quand même en danger, parce qu'on sait très bien que derrière le régime spécifique des intermittents du spectacle, ce sont tous les chômeurs précaires qui pourront demander à avoir des droits sociaux au même niveau. Et c'est nous ce qu'on cherche à obtenir avec les coordinations d'intermittents et de précaires, c'est que l'assurance chômage soit un vrai droit social qui permette à tous les gens précaires, et ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, chaque année le nombre de contrats précaires augmente, et 87% des nouvelles embauches se font en contrat précaire. Donc évidemment que pour le MEDEF, c'est un enjeu de baisser les droits des intermittents, parce qu'on est les seuls à avoir réussi à garder ce bastion de droits, et potentiellement, on pourra l'étendre à tous les précaires. Oui, alors, mais est-ce que toi, tu as des nouvelles? Parce qu'en effet, ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on entend pas mal. Est-ce que toi, il y a des choses que tu aurais à dire qui seraient, non pas nouvelles, mais qui viendraient un petit peu amener d'autres choses? Parce que ce que tu dis, ça c'est sûr, c'est tout à fait juste, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, ça, cette loi, qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que pour toi, il se passe quoi derrière ça? Ça veut dire quoi, en fait, ce tomber du système d'assurance? C'est quoi pour toi? Ah bah, oui, clairement, l'assurance chômage est forcément en danger. Évidemment que les intermittents, on n'est pas les seuls à être en contrat précaire. Comme je disais, il y a des intermittents de l'hôtellerie, il y a des intermittents de la restauration. Les intérimaires ont perdu, lors de la dernière négociation assurance chômage, tout le contenu de leurs droits, c'est-à-dire qu'ils ont perdu en moyenne de 300 euros d'indemnisation par mois en assurance chômage. Clairement, le MEDEF, il cherche à faire reculer nos droits au chômage, il cherche à faire reculer les montants d'indemnisation. Et Manuel Valls a quand même demandé avec son gouvernement à faire 800 millions d'euros d'économies sur le dos des chômeurs et des précaires. Donc évidemment que c'est ça qu'il y a derrière, l'attaque des intermittents. Là actuellement, les négos, elles sont en stand-by puisque la dernière réunion de jeudi a été clairement une opposition nette du MEDEF pendant les négociations. Oui, oui. Il n'y a eu aucune avancée. Et voilà, on est en stand-by. Il y a deux nouvelles réunions prévues interpro qui sont prévues à la fin du mois. Et la fin des négos interpro sont prévues le 30 juin. Donc on va suivre jusqu'au 30 juin et après, qu'est-ce qui se passe? Alors justement, pour non pas conclure, mais pour digresser et en même temps rebondir, je voulais juste lire un petit extrait, mais c'est pas facile quand on n'a qu'une main et que la deuxième a un micro. Ouais, merci. Voilà, je voulais juste lire ça. Je vous dirai d'où ça vient après. Gagner. Je gagne, tu gagnes. Ils, elles, ont, ça gagne. Nous gagnons. Vous gagnez. Ils, elles, gagnent. J'ai gagné, tu as gagné. Ils, elles, ont, ça gagné. Nous avons gagné. Vous avez gagné. Ils, elles, ont gagné. Je gagnais. Tu gagnais. J'avais gagné. Que je gagne, que je gagne. Je gagnerai. Juste gagner, que je gagne. La petite conclusion, c'est un très précis de conjugaison ordinaire fait par David Poulard et Guillaume Ranou qui s'appelle Le Travail. Je dirais que nous gagnons, que nous gagnas, que les intermittents et tous les précaires gagnent. Merci Sophie, gagnons tu vas passer. Surtout. Gagnons des nouveaux droits. Gagnons et ouais. Tu vas passer maintenant à l'AG et oui. nous allons repasser à Véro qui va parler. Merci. Je vais juste faire une petite annonce de la commission animation qui est passée nous voir tout à l'heure et qui s'adresse évidemment aux intermittents, plus particulièrement à nos amis musiciens. Samedi prochain, le 21, de 17h à 22h, il y aura un bal populaire sur la place. Donc la commission animation cherche des groupes, orchestres, en acoustique plutôt, ou avec des petits amplis. Mais sans sono, il n'y aura pas de scène, les gens danseront autour des groupes. Ils recherchent tout type de musique pour danser. Rock, swing, folk, jazz, latino et autres. Pour les contacter, envoyez un mail à nuitdeboutannie, comme animation, @riseup.net, riseup.net, nuitdeboutannie, tout attaché. Ils cherchent aussi des profs de danse pour une initiation à partir de 17h. Donc je répète, pour le bal populaire du 21 mai, de 17h à 22h, la commission animation de la Place de République cherche des groupes de musique pour pouvoir danser. Si vous êtes intéressé, vous avez le mail et vous pouvez aussi vous présenter à la réunion de la commission animation qui va organiser tout ça le mardi 17 près du kiosque rouge à partir de 19h. Si vous êtes intéressé, donc le mardi 17 près du kiosque rouge à partir de 19h pour participer à ce bal populaire du 21 mai. Voilà. Message passé pour la commission animation. On retourne tout de suite à l'Assemblée Générale. Les ministres du logement européen. Et donc ici à Paris, l'action aura lieu le dimanche 29 mai. Le rendez-vous est à 14h ici à République pour mener une action pour évidemment dénoncer tout ce dont on a parlé. Merci beaucoup. Alors, juste une petite chose. Donc là, on est quand même beaucoup moins nombreux. C'est une proposition fondamentale. Donc je pense qu'il faut qu'on débatte et qu'on vote cette proposition. Après, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir et que ce soit que les propositions qui restent soient débattues demain à l'AG. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole sur cette proposition? Voilà, je t'en prie. Sur cette proposition, et sur la proposition du droit au logement. Est-ce qu'il y a des tours de parole ? Bon, j'annonce aussi une petite info qu'on vient d'avoir. Il y a un copain qui vient de Toulouse. Il aurait besoin de tours. Il aurait besoin d'un hébergement. Au lieu de dormir dehors, s'il y a quelqu'un qui pourrait l'héberger pour une nuit, ça serait sympathique de votre part au moins. Solidarité, on n'oublie pas. La solidarité entre nous, c'est entre êtres humains. Ce qu'on appelle le respect. Le respect, c'est d'aider tout le monde. S'il y a quelqu'un dans l'Assemblée qui peut aider cette personne, venez par là. Et la personne, on vous la présente, il n'y a aucun problème. Merci. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions ou des gens qui veulent rebondir sur cette proposition ? Voilà. Voilà, c'est le moment si vous voulez prendre la parole. Sinon, on peut passer au vote si vous le souhaitez. Alors, bon. Alors, juste un petit... Oui ? Vas-y. La nuit tombe. La radio reste debout. Et voilà, on est toujours en direct place de la République à Paris. On est sur Radio Debout. Et puis, on va partir en Bourgogne, puisque si tout va bien, on est avec Jean-Marc au téléphone. Jean-Marc, est-ce que tu nous entends ? Absolument. Alors Jean-Marc, il paraît que tu trouves qu'on s'intéresse trop peu à ce qui se passe à ce qui se passe ailleurs qu'en ville. J'ai jamais dit ça. Non, j'ai dit exactement ça. Non, j'ai dit que quand certains journaux ont commencé à dire « Ouais, Place de la République, Paris, c'est bien sympa, les bobos parisiens et la banlieue », moi, j'étais dans un trou paumé de 500 habitants. J'ai dit « Mais et les villages et la ruralité ?» Dans un village où, il y a 20 ans, ça votait très majoritairement à gauche, et maintenant, c'est 45% Front National. Donc, on fait quoi? Alors, voilà, donc, cette idée de lancer ici, sous la halle de Charentard-du-Noir, dans les Hauts-de-France, là, attention, mais tout à fait en bas de l'échelle des Hauts-de-France. Ruralité debout, donc c'est le premier acte, avec des amis qui nous ont rejoints de Bourgogne, de Touraine, de Picardie, ils sont chez eux, et on vient d'élire un porte-parole, il s'appelle Jeez, c'est un immense slammer, et c'est une manière de dire que le slam a aussi droit de citer en milieu rural, et donc Jeez a un mot à dire à la Place de la République, à Nuit Debout, à tous les amis debout. Mais Jeez... Debout la République, debout la ruralité, debout la réalité, debout la rue, debout la vérité, debout, debout, debout, debout, c'est pas vous et pour beaucoup de gens ici, on y croit dur comme ça. C'est du vocabulaire, la matière aussi, la galère aussi, les délicatants, tous les autres, les familles, toutes les grand-mères, tous ceux qui sont depuis quelques temps en place de la République, Bon courage à tous, on va lancer le moment ici, c'est vous, ruralité, debout. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, donc c'est la fin, la halle de Charentard-du-Noir. Les questions qu'on a abordées ce soir, elles ne sont pas vraiment urbaines. Par exemple, la question de la gestion de l'eau, qui a été beaucoup débattue ici, c'est un vrai problème. La question de l'intercommunalité, le fait qu'on fusionne à force marché avec une loi qui s'appelle la loi NOTRe, mais dont on ne sait pas très bien si elle est notre loi. Donc on fait des grands rassemblements comme ça, parce que naturellement il faut que les territoires soient compétitifs, n'est-ce pas? Voilà, il y a une motion qui a été aussi adoptée à l'unanimité, moins une abstention, non même pas, il n'y a pas eu d'abstention, c'est que ici à Charentard-du-Noir, dans le centre du bourg, c'est la patrie natale de Camille Claudel, Jean de la Fontaine pas loin, aujourd'hui il y a une cinquantaine de logements vacants. Et donc voilà, on a proposé que la ville de Charentard-du-Noir puisse accueillir des familles de réfugiés syriens, irakiens, etc. Et puis, on continue avec... il fait froid, donc on va peut-être pas durer jusqu'à toute la nuit, mais promesse a déjà été prise de... Et des vraies promesses, hein, pas comme les... promesses a été prise de se retrouver très vite, notamment pour parler d'une... essayer de trouver une solution à la fermeture, il y a 10 jours, d'une librairie Point Presse, le seul Point Presse à 20 km à la ronde. Donc ici, voilà, on peut même plus lire et acheter des livres. Mais il y a une amie qui est venue de Touraine, qui nous a raconté comment, de façon associative, solidaire, des gens se sont regroupés pour créer une librairie associative, où même les mamies peuvent venir faire du tricot. Donc voilà, Mamie Debout, c'est le nouveau... Mamie Debout. Dis-moi, voilà. Jean-Marc, il y a combien de personnes qui... Parce que tu nous parles de débats que vous avez eus, mais il y a combien de personnes qui se sont rassemblées ce soir? Écoute, on a commencé à 17h, 17h30 parce qu'on avait un peu de retard, et des gens sont passés. En gros, il y a eu une centaine de personnes qui sont passées, et on a eu, alors ça je vous vais le dire quand même, on a eu un témoignage extraordinaire, un poème... c'est rare les poètes qui, de leur vivant, ont une rue à leur nom. Et bien, c'est le cas de Lucienne Godet, qui vit à Château-Thierry. Et cette dame extraordinaire a 99 ans. Et évidemment, elle ne pouvait pas être là avec nous. Mais on a fait un insert téléphonique avec elle en direct. Elle nous a lu un poème magnifique dont le message, s'il fallait le résumer, est simplement aimez-vous, aimons-nous. Voilà, la solidarité. Alors, juste pour avoir une idée, vous réunissez tous les combien de temps, vous avez quel rythme pour vos nuits debout à Charentard-du-Noir? Eh bien là, c'est la toute première nuit debout à Charentard-du-Noir. Et donc, dès le courant de la semaine prochaine, on va se retrouver en petit peu en quelques-uns, déjà pour parler concrètement de la question de cette librairie. Il y a une association ici très active justement sur toutes les questions de l'eau, besoin de renfort, donc on va se mobiliser avec eux. Et donc le travail va continuer, on n'a pas fixé encore de rythme régulier, mais l'idée est de surtout pas en rester là. Et puis les amis, je crois qu'ils sont venus de Bourgogne, de Touraine, ont envie dans des endroits où d'ailleurs il y a déjà eu des nids debout, mais d'aborder peut-être plus spécifiquement les questions de la ruralité. Vous savez, on parle beaucoup autour de Nuit Debout de convergence des luttes. Je suis d'accord, et en même temps, quand j'entends ça, je dis, mais la convergence des luttes, c'est les déjà luttants. Et venez faire un tour un jour ici à Ferrand-Terre-de-Noix et autour, et vous allez voir et croiser des gens qui, d'une certaine manière, estiment que tout est foutu, qu'il n'y a plus d'avenir. Et donc, ils n'en sont pas à lutter. Et donc, il faut déjà étendre le champ de la lutte, convaincre ces gens-là que non, que tout n'est pas foutu. Le maire qu'on a invité là, de l'Orme dans la Nièvre a créé une association nationale qui s'appelle Village d'avenir. C'est-à-dire que les villages ont un avenir. Les villages, c'est pas, on n'est pas des bouseux, on n'est pas des pecnos. On est, y a aussi ici des jeunes qui ont envie de faire vivre différemment ces endroits, ces paysages dont on a besoin, et pas seulement pour venir en week-end. Alors, peut-être dernière question sur la manière dont ça s'est passé aujourd'hui. Est-ce que les gens qui étaient là, c'était les cercles militants habituels, ou est-ce que tu as eu l'impression que ça débordait un petit peu les cercles, les réseaux militants déjà connus ? Il y a eu des militants associatifs, il y a des déçus de la politique, y compris des gens qui ont eu des mandats à certains moments, puis... Il y a des gens, je sais pas, on n'a pas demandé le pedigree à chacun, donc il y a des gens, moi, que je découvre ici, des gens que j'avais jamais rencontrés auparavant ici, et voilà, je crois que la rencontre en elle-même est un acte politique. Et puis, je voulais dire une chose quand même, c'est que le fait d'avoir pris cette initiative, tout d'un coup, les élus locaux se sont réveillés, et ont, donc nous, on commençait à 17h, et ils se sont rassemblés avec leur écharpe tricolore à 15h devant la mairie de Ferrand-Terre-de-Noix, une trentaine d'élus locaux, toutes tendances politiques confondues, pour exiger de l'État une prise en charge, une prise en compte sérieuse des problèmes liés au haut débit. Parce que ici, moi je travaille ici maintenant, mais je suis encore avec l'Internet du 19e siècle, tu vois ce que je veux dire. Donc comment vouloir recréer de l'attractivité, que les gens viennent s'installer et travailler ici, si pour ouvrir la moindre page sur Internet, il faut attendre 15 minutes. Donc, un ami m'a dit, ah ben, ça y est, vous faites récupérer par les politiques. Oui, c'est vrai, ils voulaient être sur la photo de famille, ils auront la photo dans le journal demain. Mais je pense que le mouvement Nuit Debout en tant que mouvement est absolument irrécupérable. Tant mieux. Par contre, que les idées, que l'énergie citoyenne qui fait tache d'huile. Je vais prendre un petit exemple personnel. J'ai une vieille baraque de campagne qui a plus de 100 ans. Et j'ai entrepris avec des amis de refaire la toiture. Une fois qu'on a ôté les tuiles qui avaient plus de 100 ans, on voit l'état de la charpente et même du mur. Avant, les gens, ils mettaient de la terre pour coller les pierres. Et au fur et à mesure qu'il y a des infiltrations, tu retires une pierre, il y en a 10 qui tombent. Et bien, la 5e République, c'est pareil. C'est des fondations vermoulues et le ciment, il est désagrégé depuis longtemps. Et ce qui est formidable avec Nuit Debout, c'est la manière dont ce mouvement fait tache d'huile. Et cette tache d'huile, elle est en train, voilà, de désagréger une fois pour toutes ces fondations vermoulues, et à nous maintenant de reconstruire. Et ruraux, urbains, peu importe, voilà, on est tous des humains, et il faut apprendre à revivre pleinement ces territoires, quelles que soient leurs spécificités. Jean-Marc, je voulais revenir en arrière de quelques secondes. Vous parliez du haut débit, bah parce que nous, on est installé place de la République et la radio existe justement parce qu'on a un débit de malade avec un petit téléphone 4G qui fait qu'on arrive à émettre en direct. Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Vous êtes victime de la fracture numérique, pourquoi ? C'est parce que, alors ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les élus disent oui, c'est parce que les opérateurs de téléphonie. Considère que pour équiper dignement ces territoires ruraux, c'est pas assez rentable, donc ils s'en foutent. Et donc, c'est aux collectivités territoriales de payer la facture. Et déjà, ici, tout le monde et les collectivités sont endettées, mais même pas jusqu'au cou, au-dessus du cou. Donc, ça traîne depuis 10 ans. Voilà. Et donc, C'était peut-être pas la peine de privatiser Orange ou France Télécom. Ah bah non, mais ça c'est clair, mais c'est le même problème avec l'eau. L'eau, le syndicat ici intercommunal a confié la gestion de l'eau à Veolia. Il vient faire, c'est du racket, il demande aux gens 90 euros pour faire un diagnostic sur l'état de... Ouais, moi, j'ai pas besoin de payer 90 euros pour savoir que mon assainissement d'eau n'est pas aux normes. Il date d'il y a 100 ans, donc c'est clair qu'il n'est pas aux normes. Pourquoi j'ai payé 90 euros à Veolia pour qu'ils viennent me dire quelque chose que je sais déjà? Mais sur le débit, alors moi j'ai fait une blague un peu, j'ai dit non, mais oh, les opérateurs, ils ne sont pas des méchants, les opérateurs de téléphonie, non. C'est simplement, c'est juste un hommage à Georges Brassens. Tu sais, quand il est mourir, d'accord, mais de mort lente. Alors ici, c'est se connecter, oui, mais avec le débilan. Le bilan, tous ces territoires, ils sont déjà en dépôt de bilan, tu vois. Jean-Marc, écoute, on va te remercier d'être intervenu à l'antenne. Tu remercieras Giz aussi, à qui le 20e arrondissement doit sûrement beaucoup manquer. Et puis, Absolument, il revient très vite. Il y a aussi Guillaume Allardy, musicien, auteur, compositeur, interprète, qui est venu de Bourgogne. Et puis il y avait, je dis comme ça, juste très vite, il y a d'ores et déjà une page Facebook qui existe, Ruralité Debout, ouais. Et bientôt un site internet. On va mettre en ligne, par exemple, on a reçu un texte inédit de Bernard Noël, 86 ans, qui est un de nos plus grands écrivains, qui vit ici dans l'Aisne. À 86 ans, il ne pouvait pas venir. Il nous a fait un texte magnifique sur le pouvoir toxique de la télévision et des écrans. Donc allez sur la page Ruralité Debout pour ceux qui sont sur Facebook, bientôt sur internet, et puis on reste ensemble. C'est place de la République partout. Voilà Jean-Marc, merci beaucoup pour ton intervention et puis peut-être à bientôt sur Radio Debout. On était donc à Ferrand-Ardenois et on retourne à la République à Paris, place de la République à Paris. Je crois qu'on va écouter un petit bout de rien du d'un truc. Radio Debout. Supprimons tous les obstacles à un rééquilibrage des forces du travail. Pour nous les Européens, abandonnons l'euro. Notre cortex est habité par le néolibéralisme. Abreuvons-le de manière à ce qu'il ne nous jette pas dans les abîmes les plus funestes. Luttons, tel que nous le demande Frédéric Lordon, pour plus d'humanité. Donnons-nous les moyens d'une nouvelle renaissance qui nous permette de nouveaux espoirs. Un oui au futur. Le pouvoir corrompt, selon Machiavel. Recherchons de nouvelles formes de constitution qui ne mettent plus en avant les individus face au pouvoir, mais le droit des peuples à s'autogérer. Utilisons les nouveaux moyens de communication pour impliquer chacun dans les choix à prendre pour notre société. Notre monde est celui du Crétacé, il est temps de construire une nouvelle ère. Osons de nouvelles orientations qui établissent la justice pour tous, protègent les intérêts de tous et non un monde de rempart pour les plus nantis face au plus grand nombre. Vive l'égalité, vive la fraternité et vive la liberté. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que vu qu'on est assez peu, on peut se mettre en rond et juste faire un petit tour de discussion, un débat. Si quelqu'un a un thème, on peut faire ça, voilà. Alors venez, mettez-vous en rond comme ça et puis on partage le micro et on fait comme ça. Ça vous dit ? Bonsoir les petits résistants, comment ça va ? C'est les plus courageux là qui sont là, j'ai l'impression, parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde, mais il y en a qui ont envie de rester, donc c'est cool. Dans ma petite tête est passé un petit sujet qui est quand même intéressant, c'est la musique. La musique, c'est ce qui nous unit tous. Et jusqu'ici, on n'a pas encore pensé vraiment, même s'il y a quelqu'un sur Internet qui a fait une musique, à écrire notre chanson, celle qu'on chanterait en tant que militant. Voilà, parce qu'on a peut-être un petit peu le réflexe de se diviser, même sur la place. On se divise avec plein de nations. C'est cool, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier qu'on est tous des militants à la base, qu'on est tous la même chose, qu'on veut tous la même chose. Et donc, vu que tout le monde comprend le même message avec la musique... Ben voilà, moi je vous propose qu'on écrive une musique ce soir, pourquoi pas. Voilà. C'est une très bonne idée. J'ai à ma droite quelqu'un qui voudrait discuter du texte qui a été lu précédemment. Alors ceux qui veulent écrire une musique peuvent tout à fait le faire. Je vous invite, si vous voulez vous mettre en rond, là, comme ça, on peut faire un tour de débat et on profite de la sono. En fait, moi j'aurais une réponse plutôt directe. Ce serait que plutôt que faire une musique que tout le monde va s'en branler, tu vois. Faut être honnête, hein. Non, mais si, faut être vrai. Tout le monde va s'en branler. Hein. On va pas la faire la motiver, c'est pas à croire. Non, mais maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, il y a des musiques qui ont été créées, déjà depuis des longtemps, peut-être pas des siècles, hein, mais depuis longtemps, qui existent encore aujourd'hui. Et que des gens connaissent, que des gens ont connu depuis tout petit, qui ont énormément de sens. Et par exemple, il y en a une, et moi je pense, moi c'est ma première que j'ai connue, tu vois, c'est mon premier CD, j'avais 6 ans. Et pourtant, dedans, il y a marqué Ma salope à moi. Et ben, on me l'a offert, c'est mes cousins un peu nantais, enfin bon. Et comment dire, ce CD, moi je l'ai écouté vraiment tout petit et tout. Et bon, après, le sens des paroles, je comprenais pas à l'époque. Mais en fait, ce texte, il défend la femme, concrètement. Même si, voilà, il y a des insultes et tout, mais. C'est de qui? Ma salope à moi, tu connais pas? Ah, dommage pour toi. C'est la musique du docteur. Tu sais, il y a un docteur rappeur en France. Et exactement, voilà. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Génico, hein, comme je disais. Et donc, attends, mais je peux la chanter ou pas, vite fait? Juste le refrain. C'est rapide. C'est rapide. Ça fait à toi le frère que je n'ai jamais eu. Et toi la femme qui me fera jamais cocu. N'ouvre pas ta porte, faut pas que je sorte. Les rues sont mortes, la bière est bien trop forte. Y'a aucun salaud qui pourra te souiller. T'es belle comme une doudoune que je viens de dépouiller. Tu me dis la vérité pour mon confort, sécurité. Cet hiver je te donne du sexe en attendant l'été. C'est pour elle que je dérape et que mon rap sent la fleur. J'ai rangé mon jeu de frappe et ma pince, mon seigneur. Accepter cette prière, elle vient du cœur. Ma tasse poupée, y a des tasses P, dans tous les quartiers, Et hop, Radio Debout décide de couper une sorte de chanson un peu lourde, quoi. On en a beaucoup entendu, on en a ras le bol sur Radio Debout. Attention, on va écouter d'abord un petit son de Radio Debout. Radio. Et ben voilà, on est donc toujours sur la place de la République. Il faut qu'on vous dise, il fait froid ici. On ne croirait pas qu'on est le 75 mars. On est à quelques mètres du nager qui est très peu fourni ce soir. Je pense que les gens sont allés se mettre au chaud. Mais ça et là, des groupes discutent. Et puis dans un coin, la radio debout tient bon. On est avec Cyril Montana et Thomas Burneau qui sont Borneau, c'est pas grave. J'y étais presque, qui sont tous les deux journalistes, documentaristes, et vous faites un travail actuellement sur le village de Lacoste, et c'est un peu de ça dont on va parler. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord où ça se trouve, Lacoste, et puis qu'est-ce qui se passe dans cette rue, la grande rue de Lacoste? Voilà. Bon, Lacoste, ça se situe dans le Luberon, donc région privilégiée, hein, à côté d'Avignon. Et c'est un petit village médiéval qui est perché à flanc de colline, un très beau petit village avec le château du Marquis de Sade qui le surplombe, magnifique. Et alors dans ce village, il y a une situation quelque peu incongrue, puisque un grand couturier, M. Pierre Cardin, il y a maintenant 15 ans, est arrivé avec ses gros sabots. Et il a décidé de racheter d'abord le château du Marquis de Sade, qui est en haut du village, puis les carrières y attenant. Et puis, comme ça, petit à petit, il a acheté une maison, deux maisons, et puis de plus en plus de maisons, des boutiques, et en promettant de créer une dizaine d'emplois pérennes, de créer des restaurants, trois hôtels, des galeries, des boutiques. Et aujourd'hui, la situation est totalement ubuesque. Juste avant, qu'il achète, c'était à l'abandon. C'était un de ces villages en déshérence, sans habitants. C'était quoi? Mais pas du tout. Je veux dire, le Luberon, il faut comprendre que le Luberon, on est à 2 heures de Paris en TGV, 1 heure de Marseille. Il y a toute la jet set internationale qui vient tout l'été. Ça vit à 70% du tourisme. C'est pas du tout délaissé. On n'est pas dans les petits villages perdus, dans les régions désenclavées, où d'un seul coup, on vend un village à 1 euro pour faire revenir des gens et rebooster le tissu social. On est dans un endroit qui vit énormément et tout au long de l'année, et plus particulièrement bien sûr les mois d'été, en tout cas la saison qui va de mars à, on va dire, à octobre. Et donc voilà, et donc il a promis tout cela, et aujourd'hui la situation donc est ubuesque, puisqu'on a sur 400 habitants, on a 20 habitants qui vivent dans le village intramuros, c'est 380 en dehors. Donc c'est un délire absolu, donc la rue principale est vide, et ce qui est complètement dingue, c'est qu'on se retrouve dans une situation où en fait cette situation-là existe dans les métropoles, puisqu'on a souvent un centre qui est pris par les gens les plus fortunés, voire de plus en plus souvent, et les gens plus pauvres qui vont dans les régions, dans les banlieues, les régions qu'on appelle suburbaines. Mais c'est incroyable de retrouver ça dans un village de 400 habitants. C'est complètement dingue. Et donc voilà. Et donc en fait, moi je suis très attaché à ce village parce que, en l'occurrence, mon père était hippie et il m'a emmené quand j'étais petit avec lui reprendre une ferme avec des chèvres. C'est vrai, parce qu'à l'époque, le Luberon n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. C'était vraiment. Par contre, effectivement, elle faisait partie de ces régions désenclavées. Et donc moi je suis allé à l'école sur place et j'y suis revenu plus tard pour passer mon bac. Donc c'est un village qui est très important pour moi, voilà. Donc en fait voilà, et voilà pourquoi aujourd'hui on a décidé d'aller voir Monsieur Carnat pour essayer de trouver des solutions avec Thomas Borneau qui est ici et Thomas qui va vous expliquer en quoi est-ce que c'est une métaphore du monde moderne. Mais avant, j'avais des questions avant, parce que il y a un certain nombre de promesses de créer des commerces, comme tu l'as dit. Il investit de l'argent malgré tout, Cardin. Aucune de ces promesses n'a été tenue. Il n'a pas ouvert les commerces promis, les emplois promis n'ont pas eu lieu. Qu'est-ce qu'il en est de la réalisation de ces promesses? Écoute, sur la quinzaine de boutiques qui étaient censées ouvrir et les emplois pérennes, si, il y a deux trucs, faut dire. Il y a une boutique qui vend surtout des produits de luxe estampillés Maxim's avec des lunettes futuristes à 300 euros, voilà, et un petit dépôt de pain qui ne l'est plus maintenant, et un café, voilà. Ça effectivement il y est, c'est deux seules choses, et le reste c'est un, et le spectacle, il faut voir ce que c'est qu'aujourd'hui il y a des vitrines dans lesquelles il expose des meubles à lui au néon 24/24 et qui sont pas ouvertes, tu peux pas rentrer, mais tu as des vieux meubles années 70 futuristes d'il y a 40 ans qui sont exposés comme ça à la vue de tous et sur toute une rue principale. Donc c'est complètement délirant, c'est-à-dire que c'est surréaliste mais dans le sens négatif. Si mais ça lui sert à quoi? Je veux dire, quelque part, il met de l'argent là-dedans, il achète une rue, il fait des promesses. À quoi ça lui sert à Cardin de faire ça? J'ai juste un problème de compréhension. Non, mais on l'a tous ce problème-là. Et t'imagines que moi, ça c'est mon village, enfin mon village, c'est pas mon village, mais c'est un village auquel je suis très attaché en plus. Y a pas. Mais le truc qui est fou, c'est le discours qu'il tient sur le village, c'est-à-dire qu'il prétend, et c'est pour ça que moi on a décidé de faire un doc, parce que ça suffit maintenant, parce que dans la presse, il entend dire « j'ai sauvé Lacoste ». Et le type a carrément dit chez Drucker, et c'est là où moi j'ai sauté en l'air, sur mon canapé, quand il a dit « quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'électricité ». On vrille, il y a 15 ans à Lacoste, pas d'électricité. C'est complètement dingue. Donc en fait, si tu veux, il a une telle, jusqu'ici, il a une telle force médiatique, une telle possibilité de prise de parole tellement importante que du coup il n'y avait personne pour contrecarrer, donc tout le monde écoutait ça. Ah bah c'est magnifique, il a amené l'art. Mais Lacoste, ça c'est le lieu de pèlerinage des surréalistes. René Charvenet, André Breton a découvert un magnifique sculpteur meunier qui s'appelait Malachier. Donc c'est un endroit en plus qui est vraiment magique, où il y a une espèce d'utopie qui vit avec des anciens hippies, avec des artistes, des vignerons, et toute une communauté très particulière qui vit là-bas. Donc on n'a pas attendu Cardin, surtout quand tu vois la piètre qualité de ses productions aujourd'hui, on ne l'a pas attendu pour amener l'art à Lacoste. Elle existe depuis bien longtemps. Mais du coup, la population vit en dehors du village. Et voilà. Du coup, mais le village, il y a encore quelque chose qui y vit, il y a un marché, il y a des choses comme ça. Ou alors finalement, la vie, elle se fait totalement en dehors du village. Bah, c'est drôle parce que tu as son café, mais tu as un autre café qui sont un peu les Gaulois, les résistants. C'est la fille de Maurice qui était le patron du Café de France et qui, eux, gardent leur café. Et Cardin a voulu leur racheter à plusieurs reprises et il est venu même un jour, la légende dit, moi j'étais pas là, mais qui dit qu'il serait revenu avec un carnet de chèques qu'il a posé sur le bar un moment en disant « mettez votre somme, ce sera la mienne ». Et Lara la voit très gentiment, parce qu'elle est très gentille, elle lui dit non, écoutez, reprenez votre carnet de chèques, c'est pas comme ça que ça se passe, donc je vous remercie, mon père est mort il y a 3 mois, donc laissez-moi un petit peu me remettre. Et le café, alors que c'est un café qui est magnifique aussi, qui est pareil à flanc de colline, qui doit valoir sincèrement la bagatelle de 4-5 millions d'euros, parce que tu peux en faire un relais château magnifique, mais ils veulent pas, ils gardent leur café à l'ancienne. Donc il y a de la vie, oui, autour de ce café, et autour de... Et cet hiver, ils ont créé un café associatif dans le village aussi, les gens du village. Mais du coup, Cardin arrive il y a 15 ans, tu oui. dis, il y a une population qui est sur place, ils trouvent des choses à racheter. Mais localement, qu'est-ce qui se passe? Il doit bien y avoir des associations, il doit bien y avoir des oui. mobilisations, il y a des syndicats, il y a des partis, mais il y a non, des élus. Comment ça sûr. Réagit à tout ça? C'est une très bonne question, bien sûr, tout de suite. Non, mais c'est vrai, dès qu'il est arrivé, évidemment, au bout de 2-3 ans, les gens ont commencé à flipper, parce que quand tu achètes une maison, ça va, quand on achète 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, donc avant d'arriver à 40, ils sont mobilisés avec l'ADHL, l'association de défense de l'harmonie de la Coste. Et les gars se sont battus, ont ferraillé, sont venus sur la place du village. Alors il y avait y a des familles qui sont divisées en même temps, donc il y a des gens qui venaient, qui se fritaient sur la place du village, parce qu'il y en a qui achetaient trois fois, qui vendaient trois fois la valeur de leur maison. Donc du coup, les familles se déchiraient pour vendre. T'avais les pro-cardins qui prenaient du fric parce qu'ils faisaient des travaux et compagnie, et les anti-cardins qui voulaient pas voir leur village disparaître. Et donc, si tu veux, il y a cette association, mais moi, quand je vais voir les gens de l'association, ils sont fatigués. Les mecs, ils sont rincés. Ça fait 15 ans que ça dure, il n'y a rien qui se passe. Ils continuent ses achats, il a encore acheté 3 maisons cet été, et les mecs, ils sont rincés. Donc, c'est pour ça que moi, j'essaie de reprendre le flambeau pour essayer de ramener une notion de combat politique citoyen dans le village et de relancer. Mais c'est compliqué, les mecs ils ont pas envie d'en entendre parler. Et Thomas qui est là, qui a pas dit un mot depuis tout à l'heure, mais qui bosse avec moi sur ce projet depuis 1 an, peut vous en parler. Alors Thomas, toi t'as pas passé tes vacances petit à la Coste, mais ce village, quand tu le vois, ça ressemble, c'est devenu quoi? C'est devenu Disneyland? Ah non, c'est pas devenu Disneyland, mais ce qui est assez surréaliste, mais alors, de le dire, enfin pas de façon René Char ni André Breton, c'est que tu es dans la rue Basse, qui est la rue que Cardin possède pratiquement intégralement, et c'est complètement vide. Tu as l'impression d'être dans un western, tu sais, où tu vois les ballots de foin comme ça qui vont se balader, parce qu'en fait, il n'y a vraiment plus personne. Et tu es face à des boutiques remplies de meubles, comme l'a dit Cyril, ou de vêtements un peu futuristes éclairés au néon vert. Donc il y a un truc vraiment très très étrange. Et dans une rue où tu avais une boulangerie, d'ailleurs, qu'il a rachetée, qu'il a fermée 2 ans après. Donc il y a quand même une attitude un peu mortifère. On a vraiment l'impression d'être dans un mausolée, en fait. Quelque chose... Et tu crois que c'est lié au fait que Cardin a plus de 90 ans? C'est son mausolée qu'il est en train de construire, c'est ça que tu veux dire? Non, je sais pas, mais il y a cette impression-là. Mais effectivement, Mais moi, là, en fait, quand Cyril est venu me voir, je ne m'étais jamais posé la question de est-ce qu'on peut se racheter un village? Est-ce qu'on peut s'acheter un village? Mais c'est vrai que, quelque part... Bah aujourd'hui, il n'y a pas de régulation par rapport à ça. On peut aller proposer aux gens 3-4 fois le prix de la maison, en fait, avec un chèque en blanc, et puis petit à petit grappiller, puis se retrouver propriétaire, en fait, du village. Et c'est ce qui se passe là-bas. Et c'est une question, finalement, qui est hyper intéressante, parce que, quelque part, si tu as le pognon, si tu as l'envie, tu peux le faire. Et tu détruis petit à petit, bah, finalement, les choses qui sont construites. Et là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, en ayant gonflé artificiellement le prix de l'immobilier, en plus, on ne parle pas de maisons qui sont les belles demeures, en fait, avec des grands terrains et des piscines. On parle des maisons, en fait, qui étaient les maisons de carrière, des ouvriers, en fait, sur place. Les jeunes qui bossent là-bas ne peuvent plus habiter là-bas. C'est-à-dire que le fils du maire, qui est un artisan, qui est artisan ferronnier, lui te dit, bah, je suis né dans ce village et je ne peux pas en fait habiter dans ce village. Pareil pour les maîtresses d'école. Donc il y a quelque chose quand même de terrible, c'est de se voir en fait rejeté finalement de l'endroit dans lequel tu es né, dans lequel tu as envie de continuer à habiter. Alors dans le cadre de la préparation de ce documentaire, on en a discuté un petit peu avant, vous poussez la réflexion au-delà de l'exemple propre de la Coste, puisque ça pose évidemment cette question un peu centrale de qu'est-ce que c'est que l'espace public, si on peut l'acheter, qu'est-ce que ça fait, comment est-ce qu'on fait ville, comment est-ce qu'on fait ville ensemble. Exactement, et alors en fait moi ce qui m'a touché, ce qui m'a marqué en fait la première fois que je suis venu dans le village, c'est que je me suis dit en fait c'est génial, de manière hyper simple, on a la métaphore du monde moderne là-bas. En fait, on voit se dessiner de manière beaucoup plus évidente en fait, que dans les grandes villes dans lesquelles on vit, en fait, ces principes-là. Parce qu'effectivement, ce qui se passe à la Coste se passe partout dans le monde. C'est le principe, par exemple, à Marseille, l'avenue de la République, qui a été achetée par les fonds de pension américains et la Société Générale et d'autres banques, qui était plutôt une avenue, en fait, plutôt... un peu populaire. Oui, populaire en fait, et qui s'est gentrifié hyper rapidement. En fait, toutes les populations, voilà, sont parties pour prendre place avec des boutiques de luxe et des. Et y a un autre quartier qui est aussi incroyable, c'est le quartier de More London à Londres. Et c'est un quartier pareil. Aujourd'hui, les finances publiques sont ce qu'elles sont en Angleterre et partout en Europe. Et en fait, d'un seul coup, la mairie de Londres donc a laissé cette partie. Ce quartier de Londres a des finances privées. Et qu'est-ce qui se passe? Le deal, en gros, on va résumer, le deal, c'est que les financiers privés arrivent, disent « Ok, très bien, ben nous, on va tout gérer, l'électricité, les égouts, on gère tous les services. Par contre, derrière, c'est notre réglementation. » Et tu vois se dessiner un truc absolument incroyable. Tu as une réglementation privée, donc qui est anti-SDF, avec du mobilier anti-SDF, avec une sécurité privée. Oui, mais sauf que d'un seul coup, quand tu cumules l'ensemble, quand tu as mobilier SDF, réglementation anti-SDF, interdiction de faire du skate, sécurité privée, caméra privée, interdiction de prendre des photos, et c'est dans la réglementation de ce quartier, avec une bonne femme qui fait le tour du quartier et qui te demande à toi, habitant sur place, qui a payé je ne sais combien ton loyer ou ton appart, est-ce que tout va bien, il faut faire quelque chose, et en recommandant à la sécurité de bien faire leur boulot, d'un seul coup, tu te retrouves dans des îlots de ville, mais d'un seul coup, effectivement, l'espace public, qu'est-ce que t'en fais d'un seul coup? Quand tu deviens un consommateur et que tu n'es plus un citoyen, qu'est-ce que tu fais? Comment la rencontre, tu la crées comment? Tu la crées chez toi, regarder la télé, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui est terrible. Et finalement, et c'est drôle parce que dans le cadre du documentaire, on parlait avant-hier avec une étudiante américaine, parce qu'il y a une école d'art, en l'occurrence à Lacoste, et qui m'attend via Woodstock. Et elle me disait, écoutez, moi je travaille sur l'interaction, je travaille sur les politiques citoyennes, dans mon art je travaille là-dessus. Et en fait, vous m'intéressez parce que on en est venu à conclure que ce qui se passe à Lacoste, on est à l'étape 5, eux ils sont à l'étape 1 à Woodstock et ils voient arriver une gentrification chez eux, pareil, et donc elle veut rassembler aussi pareil des agriculteurs, des industriels, des gens du coin pour essayer de faire en sorte que, ces phénomènes-là ne viennent pas affecter leur vie. Voilà, en fait c'est... Et c'est en ça que c'est intéressant, et en ça on voit que on commence à avoir de l'écho, enfin il y a de l'écho à ce qui se passe là-bas partout dans le monde. Et c'est-à-dire que ça, au-delà de ça, ce que vous décrivez, parce que moi j'ai vu ça aux États-Unis dans des villages où c'est tellement libéral qu'à un moment donné, il n'y a plus rien. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de ramassage, il n'y a plus de rue, etc. Si les gens veulent une rue, ils n'ont qu'à se la payer eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est la disparition de l'État, c'est la disparition de l'État, de l'espace. C'est aussi la disparition de l'État dans l'espace public. Du service public, tout simplement. Exactement. Mais tu sais, c'est du vivre ensemble. C'est marrant parce que t'as Anne Hidalgo qui a dit là par rapport à Nuit Debout, c'est quoi ces jeunes qui privatisent l'espace public. Voilà. Bah, tu vois, c'est exactement ça. Finalement, toi, les politiques s'étonnent finalement de ça, alors que quelque part, ça sert à ça en fait. Et c'est parce qu'effectivement, il y a des places que les gens en fait parlent, communiquent, et c'est ensemble, et c'est pas tout seul finalement que tu crées des idées et que tu fais avancer les choses. Bah, quand tu prives un village de ses centres névralgiques où les gens peuvent plus se rencontrer, bah, là finalement, un village meurt, et la transmission et l'héritage. Toi qui n'es pas uniquement un héritage de thunes, parce que là effectivement quand tu achètes un village, bah effectivement tu vas donner à tes héritiers de l'argent. Là nous on parle d'un autre héritage, quoi, qui est un héritage de valeur, qui est un héritage d'idées, et ce sont des choses à défendre. Alors le temps tourne, mais Cyril et Thomas, votre documentaire sur Lacoste, si vous êtes en train de le tourner, c'est un travail qui est prévu d'aboutir quand? Et est-ce que vous avez demandé de l'argent à Cardin pour produire votre film? C'était deux questions. Non, mais la première question, oui, on tourne, on a déjà tourné et on continue à tourner cet été et à la rentrée. Je pense que les sessions de tournage seront finies fin octobre. Et Cardin, bah, pour pouvoir lui demander de l'argent, déjà je ne pense pas qu'il acceptera, mais de toute façon il faudrait déjà qu'il accepte de me rencontrer pour en parler. Et on l'a maintes fois demandé audience, nous et des médias dans le cadre d'une campagne de crowdfunding qu'on avait menée, et on n'a jamais eu de réponse. Il nous dédaigne, il est dans le dédain. Ça se trouve, il est sur la place de la République. On va. il y a même Finkielkraut qui a osé passer ici, donc on ne sait jamais. Il est comme ça, mon ami. Si vous voulez reconnaître, il est un petit peu comme ça, un petit peu nasal. Il vous reconnaîtra, vous êtes magnifique. Voilà. Bon, ben écoutez, merci beaucoup d'être venu nous raconter l'histoire de Lacoste. On va retourner voir ce qui se passe sur l'AG, place de la République. Est-ce qu'il y a encore des gens qui débattent? Mais oui, ils sont infatigables. Radio debout. Et l'argent se détruit au fur et à mesure du remboursement des crédits. Ce qui reste, ce sont les intérêts qui n'existent pas. En fait, il y a trop d'argent demandé par rapport à l'argent qui circule. Et ça, c'est une volonté politique due au marché financier. Donc la question, est-ce qu'il faut sortir de l'euro? Malheureusement, je pense que pour diminuer les inégalités on n'a peut-être pas d'autre choix à moins de créer une monnaie qui relie tous les Européens et qui soit complètement indépendant des marchés financiers et des banques, et que l'État reprenne en main le contrôle de la monnaie. Donc voilà, c'est juste que ce que je voulais dire par rapport à la sortie de l'euro ou pas. Et je pense que c'est... on sera obligé de passer par là si on veut récupérer notre indépendance. J'ai peur de me faire taper un peu, mais est-ce qu'il y a des véganes ici ? Non ? Ok. Je voulais parler un peu du véganisme, en fait, parce que bah, souvent, en fait, ici, on parle de démocratie, etc. On est là pour se battre contre les injustices. Et très souvent, enfin voilà, je suis pas un love des animaux de fou non plus, hein, c'est pas toute ma vie. Mais être végane, c'est aussi être pour la justice. Et je pense que quand même, il y a une grosse hypocrisie. Enfin, il y a une hypocrisie, mais on la voit pas en fait, parce qu'on n'en entend pas souvent parler. Mais il y a une grosse injustice aussi envers les animaux, parce que c'est carrément un holocauste, ce qui se passe en ce moment. Enfin, ce qui s'est toujours passé d'ailleurs. Et je vais pas débattre 40 heures dessus, mais tout ça pour dire que j'aimerais juste tous ici qu'on réfléchisse aussi un peu à la manière dont on consomme notre nourriture, à ce qu'on mange. Un petit peu le micro, parce que... Ah, excuse, désolée. à ce qu'on a dans l'assiette, et aussi se demander si on est toujours en accord avec ce qu'on fait, avec ce qu'on mange. Et voilà, quoi. Juste de temps en temps penser à ça, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui y réfléchit, et souvent quand on dit vegan, on pense à extrémiste. Et voilà, tout simplement, je voulais juste, pour ceux qui ne connaissent pas le mot vegan, voilà, faire connaître un peu. C'est ceux qui ne cautionnent pas la souffrance animale, qui ne mangent pas d'animaux, qui ne portent pas de fourrure, pas de cuir, qui ne mangent même pas de miel. Je tiens à le dire quand même, parce que tout le monde ne le sait pas. Et surtout, un truc à répéter, parce qu'à la commission climat, on ne le dit pas beaucoup, mais c'est quand même une des premières causes du réchauffement climatique, et c'est quand même important de le dire. Et aussi faire le lien avec le fait qu'il y a quand même des gens qui crèvent de faim dans le monde. Et souvent, quand je dis aux gens que je suis végane, ils me disent c'est pas cool et tout, s'il y avait des gens qui meurent de faim, ils aimeraient bien un bon steak. Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu à cause de ce steak là que eux ils ont pas de quoi manger. Après, je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment. Ça, vous vous renseignerez tous un peu de votre côté. Comment ? C'est parce que tu fais caca que les poissons finissent par manger du caca. Je suis d'accord, oui. Mais eh ben voilà, on revient dans le studio de Radio Debout, qui est à quelques mètres de l'Assemblée Générale. On y retournera tout à l'heure, mais je me tourne vers Benjamin, qui va nous présenter son invité. Salut Pierre. Tu m'as dit qu'il était tout blanc. Qu'il était tout blanc, c'est-à-dire... Ton invité, explique-nous. Ouais, c'est plus ça. Oui, ça y est, j'ai compris ta blague. Ouais, elle était en pas fait, terrible, je suis désolé. Non, c'est pas grave, c'est moi, en fait, sur la place de la République. Il fait très froid ce soir, ça caille sa mère. Je pense que c'est cette histoire de calendrier de rester bloqué au mois de mars. J'ai l'impression que ça a des conséquences sur le climat, donc il faut pas débattre et engager. Donc à côté de moi, il y a effectivement Laurent qui fait partie moi, c'est de François. La. Pardon, François, tu représentes la commission pour la reconnaissance du vote blanc. Voilà. J'imagine que tu ne fais pas que ça dans la vie, mais ce soir, c'est cette qualité que tu... Ça fait un mois et demi que j'ai créé cette commission vote blanc sur la place de la République. J'essaye de faire créer des commissions vote blanc dans toutes les nuits debout de France. J'ai même atteint l'île de la Réunion, et on essaye de faire bouger vraiment les choses autour du vote blanc, faire beaucoup de pédagogie, parce qu'au final, le but premier dans cette lutte, c'est vraiment de faire de la pédagogie, faire comprendre à tous les abstentionnistes ou tous les gens qui souhaitent le boycott du vote blanc, comme tout à l'heure en AG de décision. Heureusement que ça a été voté rouge, et j'ai moi-même pris la parole pour justement dire que j'étais contre ce genre de proposition à Nuit Debout, et j'aimerais justement peut-être que Nuit Debout prennent un peu plus en considération la future proposition que je vais faire, qui va être justement de porter un peu plus cette lutte de la démocratie et qui commencera par l'abstention, enfin le fait qu'on puisse avoir un changement dans la Constitution pour faire reconnaître le vote blanc dans toutes les élections et qu'à une majorité de vote blanc, on puisse refaire les élections avec de nouveaux candidats. En fait, votre adversaire principal en tant que militant pour la reconnaissance du vote blanc, ce sont les abstentionnistes. Non, c'est pas que les abstentionnistes, c'est aussi finalement ceux qui votent par dépit, ceux qui se disent c'est peut-être mieux d'avoir quelqu'un que d'avoir personne. J'ai beaucoup de... Parce que, en fait, il faut vraiment comprendre que ça fait un mois et demi que je viens tous les jours et que j'essaye de faire circuler la pétition pour le vote blanc, pour la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés, et que du coup j'ai des débats avec tout un tas de personnes qui sont un peu, on va dire, représentatives de la population de la place qui vient tous les jours et qui se renouvelle tous les jours. C'est pour ça que finalement, je suis amené à avoir des débats avec des gens qui sont pour déjà la reconnaissance du vote blanc, alors qu'ils votent pour des partis politiques en place, gauche, droite, extrême gauche, extrême droite, il y a vraiment de tout, qui sont finalement au courant que la démocratie n'est pas une démocratie et que tant que le vote blanc ne sera pas reconnu, ça ne le sera pas. Mais il y a aussi justement des abstentionnistes, il y a des votants par dépit, il y a aussi les non-votants qui n'ont rien à foutre. Tous ces gens-là, en fait, c'est des gens que je pense qu'il faut réveiller grâce peut-être à Nuit Debout ou à d'autres débats ou par exemple à une assemblée constituante. Enfin, tout ça, pour moi, je trouve que ça va ensemble. C'est comme un petit Rubik's Cube qu'on essaye de reformer et de mettre les couleurs ensemble et de former plus qu'un tout. D'accord, mais François, j'ai du mal à comprendre à quoi ça sert le vote blanc, sincèrement. Le vote blanc, en quoi ça sera un progrès pour la démocratie ? Le vote blanc, là, aujourd'hui, tel qu'il est inscrit dans la Constitution, est évident qu'il ne sert à rien. Ça veut dire que tous les gens qui vont voter et qui vont voter blanc se déplacent pour rien. Mais si on obtient justement le fait que ces gens-là ne se déplacent pas pour rien et qu'enfin on puisse comptabiliser les votes blancs dans les suffrages, ça lissera déjà tous les pourcentages de tous les candidats en place et on ne comptera pas que les votes positifs, on comptera aussi les votes du contestataire, les votes du non ou les votes du pour autre chose. Non mais je vois pas trop... Parce qu'en fait, tu te bats pour... Je vois pas en quoi ça amène plus de démocratie. C'est juste un mode de calcul du scrutin. Bah, c'est pas juste un mode de calcul. C'est aussi le fait de prendre en compte les voix qui, aujourd'hui, ne sont pas prises en compte. Et qu'on puisse donner à tous les abstentionnistes un autre moyen par le vote d'aller, on va dire, donner leur avis et d'aller donner leur contestation. Parce que la moitié des gens qui s'abstiennent aujourd'hui le font par conviction. Pour justement ne pas aller voter. En quoi le vote blanc est un vote contestataire ? C'est comme, il y a des études, les sociologues ont fait... Les sociologues ont instruit l'abstention, par exemple, de manière assez claire, et l'idée que les gens qui s'abstiennent contesteraient le système est assez fausse. Les gens qui s'abstiennent se distribuent de manière à peu près égale dans l'espace politique de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est pour ça que j'ai dit à 50% des abstentionnistes, et pas tous les abstentionnistes, c'est une partie des abstentionnistes. Mais il faut comprendre aussi que l'autre partie, c'est des gens qui en ont rien à foutre des élections et qui pensent que c'est pas comme ça qu'on fera changer les choses. Et ils sont... Ils sont complètement axés sur ce fait que de voter finalement c'est d'accepter le système en place, d'accepter le fait qu'on est d'accord avec une certaine forme de démocratie représentative et on va dire le fait que un candidat ou un président puisse prendre des décisions pour la majorité des gens, voire toute la France. Je vais laisser Stéphane qui est avec moi aussi sur le vote blanc pour qu'il s'exprime aussi. C'est juste par rapport au fait de parler du fait que le vote blanc puisse être un vote contestataire. Moi, ce que je trouve vraiment très intéressant dans cette notion de vote blanc, ça fait seulement quelques semaines qu'un de mes meilleurs amis, qui est deuxième sur la liste, m'a parlé de ça, c'est que je trouve capital que tous les gens qui vont voter l'année prochaine prennent la décision d'aller voter en majorité pour un personnage qui porte un nom, mais peu importe, qui représente le vote blanc. C'est contestataire parce que ça veut dire on va voter contre tous, tous ces gens-là. On ne va pas voter pour ni toi, ni toi, ni toi. On va voter pour rien, c'est-à-dire pour un vote blanc qui va redonner. Alors, je pense que François vous en a parlé. Le thème de la campagne, c'est le vote blanc, mais l'intention du représentant blanc, c'est de se... Voilà. Le candidat blanc, je me permets de le faire. Le candidat blanc, sa proposition, c'est de démissionner dès le lendemain de son élection. Par contre, le jour de son élection, c'est-à-dire le lundi, il va proposer un référendum national donnant la possibilité au peuple de réécrire la Constitution. Si le peuple dit oui, eh bien, en effet, il démissionne et il laisse à vous tous aussi la possibilité de l'écrire. Et donc, y a des gens qui travaillent sur la Constitution du vote blanc, ça va être sûrement par tirage au sort et tout ça. Mais en tout cas, c'est... On va aux urnes pour montrer qu'on ne veut pas de vous, ni toi, ni toi, ni toi, ni la gauche, ni la droite, ni personne. Mais on veut quand même vous montrer qu'on va voter. Moi, je ne suis pas pour l'abstentionnisme, même si ça a du sens aussi. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si tous les responsables de gouvernement ou de parti s'aperçoivent qu'on ne vote pas pour eux et qu'au premier tour, peut-être 50% de gens se déplacent pour voter blanc, eh bien donc, il y aura ce travail-là à faire. Par conséquent, si on vote pour la Constitution et qu'on la réécrit, c'est parfait. Et si les gens disent, le peuple dit, on ne se sent pas de réécrire la Constitution, il démissionnera aussi. Et donc là, on aura, je pense, le choix entre Marine ou Sarkozy. Non, mais du coup, parce que j'ai du mal à... Je vais finir ma question quand même. Voilà. J'ai du mal un peu à être convaincu parce que je trouve que pourquoi pas mener un combat pour un vrai changement social ? Pourquoi ce substitut de... Pourquoi vous pas vous engager dans un combat qui soit pour transformer les formes de représentation, de démocratie, de délégation du pouvoir ? Il faut comprendre que déjà, le vote blanc, moi je le vois vraiment comme le petit grain de sable. Le petit grain de sable qui va être mis dans l'engrenage gouvernemental aujourd'hui et qui va nous permettre d'aboutir à un changement. Donc un changement, enfin... Le changement, c'est pas forcément un changement radical de beaucoup de choses, parce que le vote blanc en soi n'est qu'un moyen et n'est qu'une possibilité. C'est pas forcément la possibilité, c'est pas forcément le seul moyen, c'est un moyen démocratique qu'on a aujourd'hui, qui n'est pas reconnu et qui pourrait l'être et qui pourrait finalement aboutir à un changement des têtes électorales, enfin des têtes candidates, en gros forcer le renouvellement politique par le vote blanc. Et du coup, si on arrivait à une majorité de vote blanc à chaque élection, on referait les élections avec de nouveaux candidats, on mettrait finalement de nouveaux candidats derrière les partis, parce que les partis, on ne peut pas les changer, on ne peut pas les dissoudre ou les enlever des élections. Mais par contre, ce qui est possible de faire, c'est que à force de refaire les élections, on va peut-être gagner un combat d'usure qui serait peut-être remporté à partir de peut-être 5, 6, 7, 8, 10 élections refaites comme ça. Un blocage complètement du gouvernement. On n'a plus du tout de président ni de gouvernement pendant un certain temps. Et on montre par ce moyen-là qu'on a besoin de mettre en place un autre système qui va peut-être beaucoup plus être représentatif de la population et moins finalement d'une élite ou de banquiers, de financiers, de grands patrons. Et au final, avec ce moyen-là, si on arrive finalement à ce résultat, on aura enfin la porte ouverte à justement mettre en place une nouvelle constitution et une nouvelle république. Ok, bon bah écoute... C'est un peu tiré par les cheveux. C'est un peu tiré par les cheveux à mon goût, je comprends pas pourquoi passer par ce truc-là plutôt que de lutter directement pour une nouvelle constitution, pour de nouvelles formes de représentation. C'est rentrer dans le mur, c'est faire le bélier comme on fait depuis le début. Au lieu de rentrer dans un mur qui est bien plus solide que nos crânes, on devrait peut-être utiliser nos cerveaux qui sont dans nos crânes pour justement réfléchir à un nouveau moyen, à une nouvelle façon de lutter. Parce que lutter en rentrant dans le mur, je suis un peu d'avis contraire. Ok, donc en fait c'est une question de foi dans le système électoral, donc vous avez envie de, de pouvoir avoir confiance dans le système électoral. Non, justement, enfin, c'est juste un moyen. C'est comme quand on veut faire un siège, on essaye de mettre quelques petits espions à l'intérieur du château. On va pas directement se lancer sans savoir ce qu'ils ont comme défense, sans avoir de moyens internes de changer les choses. On lance pas toute son armée dans la bataille pour aller siéger un château. Il faut forcément une stratégie, une tactique, et en soi, moi je pense vraiment, et j'y crois, et je suis pas le seul, à penser que le vote blanc, ça peut être une petite porte ouverte. Bah écoute, merci François, et pardon de t'avoir appelé Laurent. De rien, il n'y a aucun problème. Après, je voulais juste faire passer aussi un message. Je fais partie des Reporters Debout. On filme par périscope tout ce qui se passe sur la place, dans les occupations, dans les actions. Tu es en train de filmer ton propre passage sur Radio Debout à l'heure où on parle. C'est vrai ? Ouais. Oui, non, je le dis pour les auditeurs. Ah oui, pardon. Ton téléphone est posé. Mais c'est ce que j'allais dire en fait. Et du coup, on filme avec Reporters Debout tous les événements liés à Nuit Debout. Et du coup on envoie tout ça sur une chaîne qui s'appelle Stream Debout sur YouTube. On vous invite à aller faire un tour. Vous aurez tous les péris de toutes les actions. Ça va de l'Assemblée populaire devant l'Assemblée nationale jusqu'à l'occupation des Beaux-Arts hier avant-hier, jusqu'à plein de trucs. Vous verrez, il y a vraiment plein de trucs, tout ce qui se passe, et au moins on montre vraiment le vrai visage de Nuit Debout. Et il y a aussi finalement la pétition pour le vote blanc, la reconnaissance du vote blanc, qui est sur change.org. Vous allez vous retrouver tout ça sur le wiki.nudebout.fr, la partie République, vote blanc, commission vote blanc. Vous avez tous les liens, tout ce que j'ai fait depuis le début, depuis un mois et demi. Merci beaucoup, bonsoir. Réveillez-vous. Radio Debout. Vous essayez de diffuser des idées de cette manière-là. Non, très simplement, ils vont chez le boucher, ils vont chez le fromager, et ils disent que leurs enfants sont fait agresser par des migrants. Ces gens-là travaillent. Ces gens-là, vraiment, ont créé une nouvelle forme de militantisme politique où ils sont sur le terrain, en fait. Et ils sont en permanence sur le terrain. Et ils diffusent leurs idées maintenant depuis très longtemps. Et ils ont créé des vrais réseaux de solidarité. C'est-à-dire, il y a des villes, par exemple, il y a une petite ville comme Chauny, en Picardie, où il y a deux couples de blocs identitaires qui se sont installés il y a 10 ans, qui ont commencé à diffuser leurs idées, à créer un vrai réseau de solidarité avec les petites entreprises. Et aujourd'hui, dans une ville de 5000 habitants, on est à 550 adhérents à blocs identitaires. C'est-à-dire qu'il y a plus de 10% de la population de cette ville qui sont devenus militants et actifs de l'extrême droite. Ces stratégies-là, en fait, moi j'aimerais bien que nous, on fasse la même chose, en fait. J'aimerais bien que nous, on commence justement quand on parle de... On est là, on est entre nous à Paris. Mais aujourd'hui, il faut aller vers les gens. Il faut vraiment aller vers les gens. Il faut créer, nous aussi, des réseaux de solidarité. Il faut aussi diffuser nos idées. Et en étant en permanence et en lâchant pas le terrain. Parce que l'extrême droite ne lâche pas le terrain là-bas. Et pendant qu'on est ici, eux, ils sont là-bas. Et eux, ils font le plein de voix. Donc moi, tout ce que je propose, en fait, c'est essayer de mener des actions de la même manière qu'eux. Et c'est-à-dire, c'est des choses, c'est diviser et conquérir. Tout le monde ici rêve qu'on soit à 2000 devant l'Assemblée nationale. Mais 5 personnes à une bouche de métro qui sont en train d'expliquer ce qui est en train de se passer, de parler de la loi travail, de parler de notre projet politique, c'est aussi très important. Et je pense qu'aujourd'hui, on est organisé, on est suffisamment organisé pour y aller de la même manière que. Il y a d'autres manières. Eh ben oui, on est de retour sur Radio Debout. Du coup, après ce petit passage d'Agir, on est donc avec Franche et Natacha qui ont participé à une action à la BNF hier et depuis quelques temps. C'était aujourd'hui ? C'était aujourd'hui aussi ? Oui, c'était aujourd'hui. Ah, c'était aujourd'hui, pardon, excuse-moi, j'ai le temps décalé. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu donc de cette action qui a comment est-ce qu'elle a duré et quelles ont été les causes surtout pour commencer ? Ok, alors moi je vais commencer en disant que à la BNF, en fait, la manifestation contre la loi travail, elle n'a pas vraiment mobilisé. D'accord. Et du coup, Natacha m'expliquait tout à l'heure que ce qui s'est passé samedi dernier et ce qui va se poursuivre samedi prochain, c'est une grève des vacataires de la BNF sur des revendications plutôt interne, avec, tu me dis si je dis n'importe quoi, avec aussi une revendication contre le travail, mais avec des revendications internes prioritaires. Alors justement, pour nous expliquer un peu plus en détail votre organisation, comment est-ce que vous vous êtes organisé à la BNF par rapport à ça? D'accord. Qu'est-ce que la loi travail a fait comme protestation? Est-ce qu'elle a aussi des gens qui sont d'accord avec elle dans la BNF, et comment est-ce que vous êtes organisé pour vous défendre? Nous, par rapport à la loi travail, on s'est mobilisé déjà en intersyndical depuis le début du mouvement pour porter les revendications contre la loi travail intersyndicale CGT, FSU, Sud. D'accord. Et puis on a relayé tous les jours de grève et les manifestations qu'il y a pu y avoir depuis le début du mouvement. Pour en revenir à cette grève des vacataires, du coup, c'est parce qu'on n'arrive pas vraiment à mobiliser sur la loi travail, malgré qu'il y ait quand même eu 270 grévistes le 31. Donc, sur combien de personnel, oulala, c'est ouais, plus de 2500, je pense. D'accord, ok. Oui, c'est quand même 10% du personnel, mine de rien. Ouais, peut-être que je m'avance un peu sur 2500, c'est peut-être même plus. Hein, je suis pas sûre de moi là. Donc c'était pas un chiffre mauvais, sauf que du coup les agents viennent très très peu en AG, les deux dernières elles ont vraiment pas porté. Du coup on a eu pour la grève des vacataires, on a commencé à lancer ça parce que il se trouve qu'on a eu des réponses de notre direction d'établissement de la BNF sur des revendications qu'on porte depuis septembre 2015 et sur l'augmentation de la quotité horaire des contractuels et sur le passage, la titularisation des agents, sur l'emploi en fait. D'accord, parce que du coup donc la lutte qui est menée par à peu près tout le monde contre la loi travail ces derniers temps, du coup arrive en écho avec rentre en résonance avec une lutte que vous avez à la BNF depuis donc plus d'un an, c'est ça? C'est ça. En fait, étant donné que on n'arrive pas à vraiment mobiliser sur la loi travail, on s'est dit on va essayer de remobiliser sur autre chose en faisant le lien, évidemment, parce qu'on sait très bien que de toute façon la loi travail ça a des conséquences sur l'emploi et sur sur les postes, et que même si nous on est la fonction publique, ça va nous toucher de près ou de loin très rapidement. Et on s'est dit autant faire bouger les vacataires en espérant que les titulaires se mobilisent derrière en soutien d'une part, et puis les remobiliser sur la loi travail. Alors faut savoir qu'aujourd'hui en fait il n'y avait pas que les vacataires. Alors Franche qui est dans le Grand Canyon, et moi aussi d'ailleurs, non? Ah c'est bien ça, on se retrouve un petit peu en Amérique. C'est bien, on voyage. Non, t'as pas l'impression d'être dans le Grand Canyon. Est-ce que ça résonne? Oui, okay. Non. Tu... Hey, oh. Ah, super. Ah, là, c'est encore mieux. Ah, là. Création sonore. Moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir, bonsoir, oui. Et pourquoi ça résonne? Et pourquoi ça résonne comme ça, justement, c'est le bonne question. Visiblement, il y a eu cafouillage à la régie. Mais... Pardon? Il y a quelques... Pardon? Ah, voilà, c'est bon, tout va mieux. Tout va mieux, donc on ne saura pas pourquoi nous étions dans les montagnes, mais ça va mieux maintenant. Du coup, ce que j'étais en train de dire, c'était que... Mais j'entends pas ma voix, est-ce que ça marche? Oui. Oui. Okay. C'était que il n'y avait pas aujourd'hui... Enfin, ce que j'ai trouvé très bien aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas que des vacataires de la BNF qui étaient mobilisés. Donc Natacha, c'est là que tu as mêlé un peu aussi. Il y avait donc des gens, alors, des doctorants de Paris. Du coup, un rassemblement à 14h pour des prises de parole extérieures, en fait. D'accord, en soutien. À la BNF, ok. Voilà. Et vous avez eu beaucoup de réponses? Ah oui, oui. Il y avait quand même pas mal de gens divers, oui. Donc il y avait des gens du musée Picasso. Ok. Il y avait des doctorants... Paris 1, Paris 8. Qui se réunissent d'ailleurs en collectif des précaires des universités aussi. Ils se réunissent à la BNF, donc du coup on est très en lien avec eux. Donc là, est-ce que du coup la BNF est en train de devenir un espèce de recentre, de centralisation un petit peu des mouvements de revendication dans les précaires de... On n'en est pas là, je pense. Disons qu'aujourd'hui, on a juste constaté qu'il y avait une convergence déjà de gens qui n'étaient pas agents de la BNF, qui se sont mobilisés avec les agents de la BNF, et je pense que ça a été une action plutôt réussie. Ok. Dans le sens où ça... Alors dans le sens où on a fermé la bibliothèque a fermé 2 heures plus tôt. On a bloqué les guichets, donc rendu toutes les expos gratuites. Et on a fait circuler une caisse de grève, parce qu'il y a une caisse de grève donc qui circule depuis depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines, d'accord. Et donc on a récolté des fonds dans la caisse de grève. Donc en gros, ce sont des les collègues m'ont dit à la fin, non mais c'est chouette et samedi prochain il y aura plus de monde mobilisé. D'accord, donc vous avez réussi quand même un petit peu à faire parler un petit peu, en fait. De votre mouvement et de vos revendications Oui, et puis en plus la direction était très très embêtée parce qu'ils ont dû s'expliquer devant France 3 la semaine dernière. Donc ça porte, ça les embête. Et le but aussi de fermer la BNF, c'est de montrer que, parce que d'habitude la direction refuse absolument de fermer l'établissement parce que ça la fout mal, quoi, de devoir fermer devant les publics. Et là, ils ont été obligés de fermer. Et ça fait longtemps qu'on attendait ça. Bloquer les caisses de grève, les guichets, c'était... Mais ça s'était pas vu depuis les retraites, surtout je pense. Toi, la BNF, hein. Du coup. Ouais. Et du coup, comment est-ce que vous voyez l'avenir de tout ça ? Ben, ça dépendra des agents, de ce qu'ils décident. Parce que là, on a voté ce matin, l'Assemblée Générale a voté la reconduction à samedi prochain, mais on n'est pas sûr... la question des vacataires, c'est surtout la question financière, savoir s'ils vont pouvoir tenir le coup encore un samedi de plus parce qu'on perd du fric et qu'on a peur que ce soit pas... Là, on commence à être écouté du ministère, de l'établissement, donc on est très content. Après, on va pas pouvoir tenir 3 mois comme ça, hein, mais pour l'instant, la caisse de grève, et surtout, ça commence à porter ses fruits, donc on est plutôt satisfait. Après, c'est sûr qu'il va falloir qu'on ait des réponses rapidement, parce que les agents... mais en tout cas, c'est très encourageant d'avoir eu tous ces soutiens aujourd'hui parce que ça nous a reboosté et ça nous a montré qu'on n'était pas tout seul aussi dans notre lutte. Je pense que ça rebooste la dynamique de grève en interne, en fait. Il y a beaucoup de gens qui osaient pas ou pour X raison, en fait. Et... Comment est-ce que vous agissez par rapport à la coordination intermittent précaire, la CIP, qui du coup peut organiser aussi un petit peu ce genre de mouvement-là? Moi, je sais pas du tout là. D'accord. Je crois qu'on en a eu quelques-uns aujourd'hui qui étaient présents. Moi, j'ai rencontré des camarades la semaine dernière, cette semaine. Deux camarades de la Cinémathèque, en fait. Il y avait des gens de la Cinémathèque qui sont aujourd'hui aussi. Sur Radio Debout hier aussi. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est vrai que. Il faut qu'on organise des actions, c'est sûr. Après, nous, pour l'instant, on a vraiment. Il faut qu'on obtienne des choses à la BNF et c'est sûr que le fait de les avoir avec nous, c'était super génial. Après, je sais pas si nos vacataires, il faut qu'on en décide aussi collectivement, savoir ce qu'on peut faire avec eux plus précisément. Enfin, on va pas prendre la décision, nous, à deux ce soir ou tout seul dans notre coin. On essaiera de se tenir au courant du coup de tout ce que vous réfléchissez à la BNF, de tout ce que vous faites surtout. Par ailleurs, on fait un pot commun sur internet pour soutenir les grévistes. D'accord, sur quelle adresse ? Sur potcommun.fr. D'accord. C'est des agents vacataires en grève, je crois. D'accord. Donc du coup, si vous pouvez nous aider financièrement aussi, ça nous aiderait à tenir le coup si on doit continuer dans la durée. Ça marche, le message est passé. Merci beaucoup. On va continuer avec un petit reportage de Farida qui nous amène ça tout frais sorti. Vos commentaires sur Radio Debout. Romain, diviser pour mieux régner, la règle numéro 1. Et ça marche tellement bien, pourquoi il s'en priverait ? Michel, faut vraiment rien avoir à foutre pour faire ça. Vous devez pas vous lever le matin, branleuriste. Valentin, mais en quoi c'est mal de remettre en cause un système qui va clairement mal ? Et pourquoi nous insulter de branleurs alors que justement on fait quelque chose ? Michel, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Encore 3 semaines et votre révolution est bouclée. Nuit debout ne les laissera pas dormir. Un cadeau de 40 milliards au grand patron, 0 emploi créé. Ils ont des milliards, nous sommes des millions. Michael, putain, ils font pitié, c'est que des vieux bobos de merde en fait. Les mecs sont juste bons à aller se masser en troupeau pour se faire taper par des CRS comme du bétail qu'on dirige à bout de bâton. Même les agriculteurs, à chaque fois qu'ils manifestent, ils montent sur Paris avec leurs tracteurs et obtiennent toujours gain de cause. Là, ces bouffons se font juste taper dessus à coups de matraque. Vernita. Encore, Michael. Marre-toi bien sur les bobos de merde et étouffe-toi bien avec tes couilles coincées au fond de ta gorge. Désolée, mais tant de vulgarité, à force, c'est contagieux. Sylvain, peut-être le jour où l'opinion publique sera prise en compte et que le peuple aura un moyen de participer au vote des lois avec Internet, les choses changeront. Entre-temps, c'est que du blabla. Commentaires, vos commentaires. Marie, tu sais Romain, 7 milliardaires contrôlent 95% de la production journalistique. Dans ce cas, les conditions d'exercice de la démocratie ne sont pas respectées, on dépasse largement le niveau de foutage de gueule. De même, lorsque l'écart entre les riches et les pauvres est à ce point abyssal, il n'est plus possible de parler de démocratie. Nuit debout Strasbourg. La police passe à 14h pour aider à démonter le camp. Gérard, la police fournit la caisse à outils ? La police fournit le démontage des tentes et des récalcitrants et fournit également un moyen de transport retour sous la forme d'un bus. Elle fournit ensuite des chambres pour la nuit. Le seul hic, c'est que ces chambres n'ont pas de lit et qu'une lumière est braquée sur les clients toute la nuit. De plus, le personnel de maison vous tutoie et est relativement désagréable. Néanmoins, les nuits là-bas sont gratuites. Nuit debout Bordeaux. Fabole d'air. Par pitié, prenez l'habitude de mettre un H majuscule à homme quand vous parlez des hommes et femmes. Sinon, écrivez humain, ça marche bien aussi. Ça nous remet à notre place. Créature complexe, mais créature quand même. Bisous, bisous. Oh là là, vous êtes sur Radio Debout. Nous sommes avec Johan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes arrivé, je crois, de Taïwan en 2007, vous m'avez dit ça, je crois. Oui, en 2007, je suis arrivée à Lyon et après, en 2009, j'ai commencé une thèse à Paris 4 Sorbonne. Et vous vous êtes intéressée aux travailleurs et aux travailleuses chinoises, pourquoi ? Première raison, c'est bien sûr parce que je viens de Taïwan et je parle la langue, mais c'est aussi parce que quand j'étais à Lyon, quand je commence à observer tous les différentes luttes en France, je vois très peu de la présence des travailleurs et travailleuses chinois. Mais en 2009, quand j'ai commencé ma thèse, je vois qu'il y a une centaine de travailleurs sans papiers chinois qui sont présents dans la lutte de la CGT, la lutte pour la régularisation et pour le droit du travail. Donc j'étais très très intéressée à ça. Et comment Johan, vous les avez rencontrés ? Vous avez été sur leur lieu de travail ? Comment ça s'est passé cette rencontre ? C'est une très longue histoire. Donc, au début, je me suis présentée dans la lutte des travailleurs sans papier pour dire que si on m'intéresse, j'aimerais bien documenter leur lutte. Et quand l'occupation de la place Bastille s'est terminée, je commence à m'engager à l'occupation à la place Bastille entre 2010 et 2011 s'est terminée. Donc moi, j'ai commencé à travailler avec la CGT pour syndiquer les travailleurs. Et ensuite, en 2014, donc il y a la première grève. Donc 3 ans après qu'on a commencé le travail de l'organisation, il y a la grève de manucure à Strasbourg-Saint-Denis. Et là, vous avez couru ? Oui. Et donc, vous êtes allé rencontrer ces femmes. Elles parlaient toutes la même langue ? Oui, elles viennent de différentes régions en Chine, donc elles ont leur dialecte, mais elles parlent tous du mandarin chinois. On continue. Oui, donc elles parlent tous du mandarin chinois. C'est aussi avec ces langues que je communiquais avec elles. Oui. Vous étiez surprise que ces personnes, au début que vous avez pu rencontrer, soient si peu syndiquées dans un premier temps, et comment? Vous étiez surprise de ne pas les rencontrer dans les luttes habituelles ou ça ne vous a pas surpris ? Pardon ? Quand vous les avez rencontrées, elles n'étaient pas encore syndiquées, n'est-ce pas ? Non. La plupart des femmes commencent à... femmes et hommes, ils se sont syndiqués à partir de 2010, quand la grande lutte de la CGT sur le papier s'est terminée. Donc, ils se sont syndiqués à la CGT avec un espoir de régularisation, bien sûr, mais aussi surtout de sortie du travail au noir, surtout pour pouvoir obtenir des preuves sur leurs conditions de travail, sur leurs conditions de séjour, avec un peu de l'aide juridique. Oui, vous pourriez donc dire que c'est d'abord une lutte sur la question des papiers qui a amené ensuite à une lutte sur le travail. Oui, parce que sachant que c'est impossible de dissocier ces deux problèmes, mais vu la politique d'immigration en France aujourd'hui, c'est quand même important d'être régularisé, d'être reconnu comme des travailleurs dans la situation régulière pour pouvoir négocier sur leurs conditions de travail. Et donc ensuite, est-ce que c'était osé de leur part d'aller justement sur la question du travail? Ça dépend de l'endroit du travail. Bah, quand on travaille dans des petits restaurants, c'est pas toujours facile s'il y a juste deux ou trois salariés avec le patron. Là, ce qui est unique à Strasbourg-Saint-Denis, dans le quartier Château-d'Eau, c'est que grâce à la lutte qui focalise d'abord sur la régularisation, sur la question du papier, mais on a réussi à faire venir les inspecteurs de travail qui ont remarqué que la condition de travail, c'est quand même une condition de surexploitation là-bas. Oui. Par exemple au quotidien, déjà, il n'y a pas le preuve de travail. La plupart, c'est un travail au noir total. Mais aussi en condition de santé, c'est très, très discutable parce qu'ils utilisent des produits assez mauvais pour la santé, le dissolvant et les vernis, tout ça, ce sont très mauvais pour la santé. Il n'y a aucune protection pour les travailleuses. Donc tout ça, ça a été remarqué par l'inspecteur du travail. Et vous nous disiez que ce n'était pas si évident de se mobiliser sur la question du travail. Pourquoi ? Parce que ils sont travailleurs, mais ils sont aussi des travailleurs sans papier. Ouais. Donc, ils ont été contraints par leur droit de séjour, par le fait d'être sans papier. Donc, cela affaiblit beaucoup la possibilité de négocier une meilleure condition pour ces salariés, parce que puisqu'ils sont considérés comme d'abord comme impossible à employer. Donc le fait que l'employeur leur donne du travail, c'est souvent considéré comme une grâce pour les travailleurs eux-mêmes. Et quand il y a un problème par rapport à la condition de travail, la plupart des travailleurs et travailleuses, ils ont d'abord choisi de partir. Au lieu de négocier, au lieu de résister, ils ont souvent choisi de partir. À Château-d'Eau, on voit ça de manière très récurrente. Quand il y a un problème par rapport à salaire, quand l'employeur refuse de payer le salaire ou bien le salaire est payé en beaucoup de retard, la plupart des travailleuses, elles ont que parti, changé un magasin, soit quitté Château-d'Eau, soit trouvé une autre boutique dans le quartier. Donc c'était assez unique qu'en 2014, il y a 5 manicures qui ont décidé de se mettre en grève après avoir 5 semaines de retard pour leur salaire. C'est le fait qu'elles ne soient pas payées qui les a mobilisées. Oui, oui. Dans un premier temps, c'était le retard de paiement qui leur oblige de se mettre en grève. En plus, l'employeur lui-même, il a disparu en fait. On avait des évidences. En effet, c'était planifié, c'était bien songé par l'employeur. Il avait voulu laisser le bateau couler en fait. Et comment est-ce qu'on passe de 5 manucures à près de 1000 manucures ? Ah, oui, c'est assez facile, c'est par le bouche-oreille. Parce que je vais corriger un petit fait. On a plus de 1000 salariés chinois dans tous les secteurs qui sont syndiqués à la CGT depuis 2010. Et à Château-d'Eau, après 2014, maintenant on a entre 200 et 300 manicures chinoises qui se sont syndiquées à la CGT du 10e arrondissement. Et bien sûr, comment expliquer ça? Première raison, c'est parce que c'était une lutte réussite. Donc après la première lutte qui a commencé en février 2014, qui se sont terminées en fin avril 2014, il y a encore deux luttes qui se sont suivies. Donc la première lutte a réussi parce que les 7 salariés, dont 5 chinoises et 2 ivoiriennes, ils ont réussi à être régularisés après 2 mois de lutte. Donc, cela a encouragé beaucoup, beaucoup de femmes chinoises qui travaillent là-bas. Et pourquoi, comment passer de 5 salariés à 200 donc? Parce que les femmes qui se sont embauchées dans les salons, dans le quartier Château-d'Eau, elles sont souvent d'origine des mêmes régions, de 3 ou 4 différentes régions en Chine, mais il y a une très forte solidarité communautaire entre elles. Donc, déjà, on voit ça très clairement pendant la première lutte. les femmes se sont mises en grève et il y a toujours leur copine qui vient dans le magasin, qui dit que ah, c'est super, c'est génial ce que vous faites, il faut que vous réussissiez. Et quand ça a réussi, donc beaucoup des manicures, ils ont choisi de venir à la CGT pour demander l'adhésion, pour demander plus de renseignements sur la possibilité de régulariser, mais aussi au quotidien pour demander comment protéger leurs droits, comment conserver leurs preuves de travail quand on est travailleuse au noir. Donc la plupart avaient des relations plutôt difficiles avec leur patron. Alors certains patrons ont disparu, vous nous avez dit, mais pour les autres, quelles relations elles avaient avec leur patron? Parce qu'on sait que certains salariés ont pu s'appuyer sur des demandes d'embauche pour être régularisés, donc avaient une bonne relation avec leur patron. Qu'est-ce qui se passait justement dans le domaine manucure? Au quotidien, c'est très arbitraire. Sachant que ce sont des petites boutiques ayant très peu de salariés. Donc cela peut créer un sentiment de familiarité, de proximité entre les salariés et les patrons quand ça se passe bien. Mais quand ça se passe pas bien, du coup, ça peut vite devenir une sorte de tension, de pression qui oblige les salariés de partir une fois que ça se passe mal. Donc c'est très aléatoire, ça dépend du magasin, ça dépend des employeurs. Mais ce qui est commun, c'est que une chose qui est commune, c'est que dans la plupart des salons, ils n'ont pas possibilité de garder la preuve de travail. C'est, la plupart de transactions se sont payées en liquide. Donc tout dépend de... Chaque manucure essaie de noter, de faire leur compte. Mais de la part des patrons, ils font aussi leur compte. Et le salaire n'est pas payé par journée. Même si la transaction est calculée par journée, mais une fois qu'une transaction, une opération est finie, les manicures doivent donner l'argent à leur employeur. Et c'est donc l'employeur, ils disent qu'on va vous payer à la fin du mois. Donc tout dépend de l'employeur. Donc si l'employeur est honnête, il paye à la fin du mois. Mais quand ils ne sont pas honnêtes, ils ne payent pas, ils disparaissent, comme ce qui s'est passé dans la première boutique. En plus, il faut savoir aussi que c'est partagé moitié-moitié. Mais en effet, ce sont des manucures eux-mêmes qui achètent tous les matériels. Donc en fait, c'est pas toujours une situation juste. Ça paraît hallucinant, mais quand on discute avec les manucures eux-mêmes, ils disaient que parce qu'on est sans papier, on n'a pas le choix. En sachant que c'est quand même une pratique assez normale. Donc, de magasins comme ça. Pour un certain nombre de manucures chinoises, le fait de devenir manucure, c'était une aubaine, hein. Une quoi? Alors nous, bon, il y a un petit incident là qui se passe derrière nous. Voilà. Voilà, tout va se régler tout d'un peu à peu. Il arrive qu'il y ait quelques petits incidents, mais bon, tout apparemment a été réglé assez simplement par la conversation. Voilà. Il est un peu tard sur la place de la République, les esprits s'échauffent. Nous sommes toujours avec Johan qui nous parle de la lutte des manucures. Johan. Est-ce que pour ces femmes, trouver ce petit travail en France, c'était déjà quelque chose? Ah oui. En plus, pour beaucoup de femmes que j'ai rencontrées, manicure, c'est pas leur premier job. Beaucoup de femmes, quand elles sont arrivées, elles ont au moins 30 ans, elles ont vécu une certaine rupture en Chine. Beaucoup, elles sont obligées de venir parce qu'elles sont divorcées. Soit elles sont divorcées, soit elles sont licenciées. Donc elles viennent un peu endettées, avec un espoir de reconstruire leur vie ici. Beaucoup doivent aussi financer leurs enfants en Chine pour leurs études. Elles viennent seules, vous nous dites. Elles viennent seules. Beaucoup sont divorcées. Donc souvent, leur premier job, c'est être domestique chez des entrepreneurs chinois ici en France. C'est souvent considéré comme une situation assez protégée parce que d'où vient des logés par l'employeur. T'as un petit salaire et t'as pas loyer à payer. Par contre, on sait tous que c'est pas facile d'être domestique, et surtout quand on vit avec l'employeur, quand on est logé chez l'employeur, ça renforce d'autant plus le sentiment de un sentiment d'emprisonnement, un manque de liberté. C'est pour ça que beaucoup de femmes, une fois qu'elles ont remboursé leur tête, elles ont choisi de devenir manicure. Et ils apprennent tous à partir de zéro, à partir de rien. Ils apprennent, ils ont passé au moins un mois ou deux mois pour apprendre avec leur avec les femmes qu'ils ont connues d'origine de ma région. Ils apprennent et tout de suite ils se mettent au travail. Et ce qu'elle apprécie, c'est le fait d'avoir une bonne liberté. Oui. C'est-à-dire d'avoir un temps de travail et un temps personnel, un temps de repos bien réglé, sachant que elle travaille pas en 35 heures, c'est souvent elle travaille au moins 6 jours par semaine. Et quand il s'agit de la saison de fête ou des vacances, elle peut travailler 7 jours sur 7 de 10h du mat jusqu'à 9h, 10h du soir. Mais quand même, beaucoup, par rapport au travail de nounou, de domestique, beaucoup de femmes trouvent qu'être manicure, c'est quand même valorisant, dans le sens que on est la maître de soi-même, on a des œuvres. Quand on travaille bien, on a les compliments des clientes tout de suite. Donc elles aiment leur travail. Oui. Pour conclure, pourriez-vous nous dire un petit peu, Johan, pourquoi ont-elles autant de courage à se syndiquer et à persévérer dans leur lutte au-delà même des papiers, l'obtention de papiers? Au-delà même de l'obtention de papier, pourriez-vous nous expliquer en quoi ces femmes sont courageuses sur le fait d'être syndiquées et de continuer donc à s'organiser? Oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense que le fait de syndiquer et d'établir des contacts avec les militants français, ça allait bien mieux aussi avoir un peu une impression d'être plus intégrée. Ça allait bien mieux de sortir du quotidien de leur travail qui est très souvent assez étouffant, mais de rencontrer des gens qui sont intéressés avec leur situation, qui ne le méprisent pas. Et syndiquées, elles ne sont pas virées. Hein. Une fois qu'elles sont syndiquées, elles ne sont pas virées. Mais pour l'instant, je pense que dans le quotidien, on ne parle pas trop le fait qu'ils sont syndiqués. Ça, c'est aussi un avantage du fait qu'ils sont chinoises. Donc, par rapport à salariés qui sont souvent d'origine africaine, elles ne communiquent pas trop sur ça. Par contre, je sais que pour les coiffeuses africaines employées dans le salon, c'est beaucoup plus difficile d'être syndiquée parce que la communication est beaucoup plus facile à comprendre par leur employeur. Elles bénéficient de la langue pour continuer à militer, vous nous dites, de façon discrète, mais tout en militant quand même. Oui, voilà. Et comment elles militent quand même alors? Comment elles militent tout en dans la discrétion? Elle échange des informations par texto, par discussion dans les forums. On les rencontre régulièrement avec la CGT aussi pour leur expliquer comment ils font faire. Pour l'instant, on s'intéresse beaucoup plus sur la protection des droits au quotidien. Mais j'espère que d'ici bientôt, on pourra témoigner d'autres luttes de façon plus massive. Nous aussi, sur Radio Debout. Merci. Alors, tout à coup, il est... Voilà, nous sommes avec Manon. Ouais. Coucou, je sais pas, on m'entend? Ouais, j'ai pas un casque incroyable. Et moi, je suis avec Hugo de Radio Croco. Salut, Hugo. Salut. Alors, attends, juste deux secondes, je change de casque parce que vraiment, je n'entends rien. Hop, voilà, je mets un casque. Ah, c'est beaucoup mieux. Alors, toi, tu es à Rennes, donc, et tu fais partie de Radio Croco. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est Radio Croco? Radio Croco, c'est la radio pirate qu'on a mis en place au bout de quelques jours d'occupation de la Maison du Peuple de Rennes. Maison qui s'est fait évacuer il n'y a pas longtemps. Qui s'est fait évacuer avant-hier matin, assez violemment d'ailleurs. J'en ai encore quelques souvenirs sur l'épaule et au cou. Aïe, il y a des souvenirs marquants. Ouais, je crois que le meuf a quand même de se faire mettre en joue par le raid. Ça, c'est carrément le raid qui vous a évacué. Alors, on a été mis en joue par le raid, mais on a été évacué par les gendarmes mobiles. C'est 50-50. D'accord, mais c'est bien la coopération. Ouais, c'était sympa. Alors, c'était funky. Du coup, pour en revenir à Radio Croco, donc vous êtes monté, ça fait combien de temps que vous avez monté cette radio? C'était quoi vos programmes? Alors, on a fait ça, on a continué, du coup, on continue encore maintenant, et donc on a commencé il y a plus d'une semaine. Et le programme, en fait, c'était de faire donc une radio complètement libre et autogérée. Donc, du coup, il n'y a personne de contrôle vraiment le programme, les gens s'inscrivent au fur et à mesure sur le planning. Et du coup, on avait des émissions qui pouvaient être autant littéraires, musicales, il y avait des lectures de textes, des analyses, des débats, des émissions d'éconne aussi. On avait Good Afternoon Rennes, qui était un peu genre les gauchistes parlent aux gauchistes. D'accord. Et voilà, c'était assez funky. Après, je fais ça, c'est complètement auto-promo puisque c'était l'émission que je tenais avec un camarade. Non, mais il faut pas voilà, s'oublier dans l'histoire. Donc voilà, et c'était... Et ça s'arrêtait jamais, ça diffusait H24. Ah ouais, donc vous et on pouvait... donc 24 heures par jour, vous arriviez à trouver de quoi ouais. remplir. Waouh, moi je suis admiratif. Absolument. Et on avait les intervenants physiques 24 heures par jour, c'était pas genre juste une playlist la nuit qui tournait en boucle. Tu veux dire qu'à 4 heures du matin, il y avait quelqu'un qui débarquait pour lire ouais. un texte et pour, À 4 heures du matin, il y avait même souvent beaucoup de personnes dans la salle de diffusion qui étaient en fait dans l'ancienne salle de projection de la salle de la cité qui était un cinéma à une époque. Wow. Il faut s'imaginer une salle qui fait peut-être 6 mètres carrés, 8 mètres carrés. Dedans, il y a deux énormes projecteurs années 50. Et vous avez une station de radio pirate, un émetteur, des PC qui se bagarrent, une table de mixage. C'était Radio Londres, quoi. Ah ouais, en effet. Et donc là, quel va être l'avenir de Radio Croco, maintenant que la maison a été évacuée? On a perdu beaucoup de matériel, du coup, ouais, c'est un petit peu difficile. Ouais, il paraît qu'on t'a confisqué ton matériel, bon, peut-être une question à la fois, mais... Bah ouais, du coup, on a perdu matos de mixage, un PC, des micros, on s'est fait chourer l'antenne aussi. Parce que on a encore l'émetteur. D'accord. On a réussi à évacuer avant, et du coup, en fait, là, en ce moment, on diffuse toujours sur MixLR, en fait. Ouais. Et il y a des émissions, alors pour le coup, c'est comme si on est obligé de squatter des locaux et des appartements de camarades... et c'est toujours un petit peu voilà, c'est toujours un peu illégal parce qu'on appelle aux manifestations, on fait des comptes rendus en direct donc du coup voilà, mais on diffuse toujours aujourd'hui sur MixLR et H24 sur 24 ou là du coup vous avez dû non, réduire là, la voilure on a dû réduire la voilure parce que vous voyez que les camarades dorment ils ont le droit mais voilà on est quand même sur du facilement ouais, 18h sur 24 et quand même ouais. Ah ouais on, mais en fait on change régulièrement de locaux. Pour vous dire, on était même la semaine dernière, la veille, hier, au-dessus du commissariat central. C'est cocasse, ça. Oui, c'était formidable. C'est un beau pied de nez. Et ce matériel, donc, il a été confisqué parce que vous étiez radio pirate et que du coup, vous étiez illégaux. Alors, il a été confisqué parce que quand ils ont évacué la salle de la cité, ils ont tout confisqué. D'accord. Tout ce qu'on n'avait pas réussi à évacuer avant a été récupéré. Donc, je ne sais toujours pas si le matériel est saisi, détruit, détenu pour quelque temps. J'en sais rien. Donc, on attend. En tout cas, nous, on voulait aussi vous dire qu'on vous soutenait et que vous étiez un peu quand même une radio super amie et qu'on était admiratif de votre travail. Et on est trop cool, ça fait grave plaisir. Bah ouais, non, et on est d'ailleurs un peu triste, enfin, comme beaucoup, que vous soyez fait évacuer parce qu'on avait l'intention de venir vous rendre visite et d'émettre avec vous depuis Rennes, parce qu'on essaye aussi de se délocaliser, alors pas que à Paris, quoi. Mais voilà. Bah, ça aurait été super, mais dès qu'on aura réussi à retrouver un endroit un peu tranquille pour émettre, ouais. avec un vrai émetteur du coup, n'hésitez pas. Hein. Bah ouais, non, on n'hésitera pas à débarquer un de ces quatre à Rennes et de continuer avec vous en fait, de la radio. Bah, merci beaucoup Hugo. Et puis alors juste pour vous trouver sur MixLR peut-être, pour les gens qui voudraient vous écouter. Du coup c'est mixlr.com/radiocroco. Ça marche, et ben c'est noté. Tout simplement. Et puis j'invite tout le monde à venir vous écouter parce que c'est super ce que vous faites. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Alors on va peut-être lancer un petit un petit commentaire de Farida pour faire la transition avec le plateau qui arrive. Et on est toujours en direct de la République. Et il y a de la musique, hein. C'est assez joyeux, c'est samedi soir. Chat de Radio Debout. Mistral. Peinant à mobiliser en masse, les syndicats contestataires ont tendance à se replier sur leur base et à se radicaliser. Le mouvement est très net pour la CGT. En 2017, lors du prochain pointage des élections dans les entreprises, la centrale de Philippe Martinez risque fort de se faire détrôner par la CFDT de sa place de premier syndicat dans le privé. Face à cette menace, la CGT a choisi de réagir adoptant une ligne à gauche toute. CAFSO, on doit établir aujourd'hui la constitution modifiable seulement par référendum. Pas de machin à Versailles dans le dos du peuple. Volodia, la police protège les banquiers, les multinationales et leurs valets, les gouvernants. Hugo, bonjour. Petite question. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer la signification de compter les jours ainsi en restant indéfiniment au mois de mars? Quel est le symbole derrière ça? Commentaires, vos commentaires, c'est sur Radio Debout. Issam, quand je pense à tous les potes qui se battent au quotidien pour les autres et qui souvent sont carrément punis pour ça, pas d'augmentation, surveillance, etc., ça me fout les boules d'entendre des gens qui critiquent en généralisant. Les syndicalistes de base sont des gens bien. C'est en haut que ça ne va pas, mais là c'est carrément l'idée même du pouvoir qui est en cause et la nature humaine, éternelle nature humaine, qui fait que lorsque tu as un peu de pouvoir, s'il t'est donné trop longtemps, alors 99 fois sur 100, il y aura abus. Bruno Debout, en 36, ce sont les travailleurs qui ont amorcé la lutte, pas la direction fédérale des syndicats, et en 68 aussi. Fuck off. C'est qui le mec qui a interviewé? Il m'a saoulé en 5 minutes. Toujours sur Radio Debout et je suis fort bien entourée autour de notre petite table verte et ronde. Alors, je suis avec... Bonjour. Salut Camille. Qui est à la sérénité, je crois. Tout à fait. Alors, ensuite, je passe à la personne suivante. Laura, et je suis à la commission féminisme. Enchantée. Anise, commission sérénité. Et... Simon, je suis à la coordination, donc je suis aussi à la commission féminisme. D'accord, donc vous faites partie de donc, Sérénité et commission féministe et on est un peu autour de la table pour parler de la mise en place d'une veille anti-sexiste, il me semble. Du coup, est-ce que quelqu'un de vous peut m'expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste? Ouais, moi je peux le faire. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes de sexisme sur la place qui vont... Alors, juste pour peut-être des exemples concrets pour les auditeurs qui sont jamais venus sur la place. Alors, je voulais juste rajouter un petit point avant de partir sur les violences sexistes sur la place. Rappeler que les violences sexistes, c'est pas que sur la place de la République, que c'est partout dans le monde, que c'est partout dans la France, dans toutes les familles, dans tous les milieux sociaux. Et que du coup, même si on s'est retrouvé confronté à ces problèmes de violence sexiste sur la place de la République, c'est parce que c'est inhérent à la société et que c'est à chacun d'entre nous justement de se poser la question de pourquoi ça existe encore au XXIe siècle dans un pays qui prône les droits de l'homme, et en France notamment. Donc voilà, c'est à tout le monde de se poser la question. Et les problèmes qu'on a pu avoir sur la plage, je laisserai aussi mes autres camarades en parler. Je pense que c'est principalement, ça va des remarques qui passent inaperçues dans la vie de tous les jours. Voilà, l'utilisation de mots, l'utilisation de certaines insultes qui parlent, je sais pas, que ça soit de putain ou connasse ou des choses comme ça, après des mains aux fesses, à jusqu'à quoi, il y a eu certaines agressions à certaines heures de la nuit, il y a même eu un viol un soir qui nous a été ramené. Donc du coup voilà, ça part de l'insulte la plus basique entre guillemets qui passe tranquille et que personne ne remarque, à des actes plus concrets qui sont assez destructeurs. Parce que... Je pense juste pour ajouter un truc, ce qui se joue aussi c'est qu'il y a des personnes qui s'organisent, notamment des femmes et des personnes LGBT qui s'organisent sur la place, et comme tout groupe opprimé qui s'organise, en fait ça crée des réactions chez les oppresseurs, et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a des choses qui vont se cristalliser ici, donc comme disait Anne-Lise, c'est pas pire qu'ailleurs, mais il y a des choses qui vont être très visibles parce que notamment il y a des réunions non mixtes et ça visibilise en fait cette question qu'il y a des groupes opprimés qui sont en train de s'organiser, notamment sur les questions d'oppression de genre. Et donc oui, ça va visibiliser ces agressions-là et elles vont se jouer, y compris et parfois de manière effectivement très, très aiguë en termes d'insultes ou de prise de parole extrêmement méprisante pendant ces réunions-là en fait. Mais parce que c'est la réaction classique face à un groupe qui s'organise, en fait, avant d'y réfléchir, enfin, il y a des crispations de la part des personnes qui ne sont pas prêtes à renoncer à leurs privilèges. Oui, tu voulais peut-être ajouter quelque chose ? Ouais, et du coup, donc Camille, et du coup, l'idée donc de créer donc ce truc de veille sur les agressions sexistes et sexuelles au sein de la place, c'est justement parce que ici, on a décidé qu'on refusait ce genre de choses au sein de cette place, contrairement à tout le reste, ce qui se passe en France, justement. Ici, on a décidé qu'on allait trouver des moyens de lutter contre ces oppressions, et du coup, on a décidé de s'organiser ensemble, d'abord de les relever, et ensuite, du coup, de pouvoir lutter contre. D'abord le relever, donc je sais pas, comme un listing de ce genre d'agression, ça passe. Comment vous y êtes pris? On peut citer quelques exemples d'agressions, en fait, mais c'est vrai que Annelise, t'as vraiment balayé le propos, je pense. En fait, ça peut aller de la remarque sexiste qui est faite sur le temps de la plaisanterie, mais qui est quand même une remarque sexiste, jusque aux attouchements, jusque à des mecs qui vont se mettre à un mètre de femmes et qui vont se mettre à leur fixer les seins comme ça pour les mettre mal à l'aise, jusqu'à il y a deux jours, il y a un mec qui a léché le bras d'une femme, en fait, comme on dit, c'est comme partout en France, c'est un peu comme l'asile dans Batman, c'est un peu comme si on avait mis l'épouvantail, le pingouin et le Joker dans le même endroit, et qu'on avait des super vilains des super vilains sexistes. Et finalement toutes ces attitudes, de la plus petite blague sexiste jusqu'aux attouchements les plus graves, ils poursuivent le même but, qui est de faire en sorte que les femmes se sentent pas à leur place sur la place de la République, dans l'espace public. Et voilà, et c'est vrai que, comme tu l'as très bien dit, c'est la même situation partout en France, mais sur ce point-là, on est tous d'accord pour faire mieux que partout en France. Voilà, et donc d'apporter des réponses concrètes. Alors, du coup, votre réponse concrète, c'est justement la mise en place de cette veille. Oui, alors, avant de parler concrètement de la mise en place de cette veille, en fait, je tenais à dire que, du coup, la Sérénité et la commission féministe se sont rapprochées, en fait, parce que, au fil des semaines, nous, étant donné que, du coup, on était la Sérénité, on a relevé beaucoup de jeunes femmes qui venaient nous voir, de jeunes femmes ou pas, d'ailleurs, qui venaient nous voir à la Sérène en nous disant, je me suis fait toucher les fesses, je ne sais pas comment réagir, j'ai pas vu le mec, j'ai pas vu la personne. Est-ce que vous pouvez faire un mot à l'AG? Est-ce que vous pouvez en parler? Donc on en a reparlé à l'AG, on a redit à tout le monde de faire attention, d'être aussi vigilant autour de soi quand on voit ce genre de choses arriver, et pouvoir réagir en conséquence si une nana réagit, ou si quelqu'un dit, je viens de me faire toucher, mince, aidez-moi, ou réagissez. Et du coup, en fait, c'est après ça aussi qu'on a pu faire remonter et qu'on s'est mis en lien avec la commission féministe, et on s'est dit, là, il y a peut-être un lien entre nos deux commissions et il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et du coup, juste pour rebondir là-dessus, l'idée, c'est pas qu'il y ait que la commission Sérénité ou que la commission féministe qui soit sur ces questions-là, mais que si jamais ce genre de choses continue à se reproduire, on puisse attraper la première personne qui est derrière nous, choper son bras et lui signaler que, merde, il y a un truc qui est en train de m'arriver, ça ne me plaît pas, et que la première personne qu'on attrape en place de la République puisse réagir et puisse soutenir l'idée, c'est aussi de ne jamais remettre en cause la parole de la victime. Donc de faire de la pédagogie aussi au sein de la place. Alors, on va peut-être parler de la veille. Ouais. Et donc, mais c'est important de faire ces premiers points et de resituer un peu le contexte. Ouais, tout à fait. Et du coup, très concrètement, en fait, depuis ce soir, il y a eu une première réunion qui a abouti à la création de cette équipe de veille. Il y en a une deuxième demain, dimanche. C'est à 20h et le rendez-vous, il est à l'accueil. Donc on peut se retrouver à 20h à l'accueil. On a déjà une dizaine de personnes. Je pense qu'on va encore en avoir une dizaine demain. Et après, ça va grossir dans les jours. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'investissement. Hein. On peut venir un soir par semaine. Et ouais, comme ça a été dit, c'est un effectif qui va venir grossir l'effectif de l'accueil Sérénité, parce qu'on veut travailler avec l'équipe de Sérénité, parce que c'est eux qui ont le savoir-faire et qui travaillent déjà hyper bien sur la place. Donc voilà, le but, c'était, dans l'optique de la convergence des luttes, c'était pas de créer une nouvelle Sérénité, c'était vraiment de venir grossir leur rang sur ces questions-là. Et alors, justement, tu parles des premières réunions qui ont eu lieu aujourd'hui. À quoi ça a abouti, ces réunions? Qu'est-ce que vous avez dit? La réunion qui a eu lieu aujourd'hui, c'est une réunion qui venait en bout de deux autres réunions qui avaient déjà eu lieu avant, qui étaient des réunions plus théoriques, où on a discuté, où on s'est dit, les agressions sexistes, ça mérite d'être traité comme un problème à part entière, ça mérite de ne pas être dilué dans la question de la violence sur la place plus générale et tout. Il faut vraiment traiter le sexisme d'une manière particulière, c'est une question politique. Et donc la réunion aujourd'hui, c'est une réunion qui a été emballée en en 45 minutes, c'était vraiment très concret. On a fait passer une feuille avec des volontaires qui sont inscrits dans des cases pour la semaine prochaine, qui ont dit moi je pourrais venir ce soir-là aider la commission Sérénité sur la question du sexisme. Et voilà, et si les gens c'est ouvert à tout le monde du mouvement, et si les gens ont envie de se porter volontaire, bah, qu'ils se rapprochent demain de l'accueil à 20h ou de la commission Sérénité par la suite pour venir grossir leur rang. D'accord, donc c'est comme une sorte d'annexe à la Sérénité, mais spécialisée dans les problèmes antisexistes. Enfin, et qui sera formée par la Sérénité, parce que encore une fois, c'est la Sérénité qui a le savoir-faire. Enfin, moi, je les ai accompagnés ces derniers jours, et ils ont une façon admirable de gérer les conflits sur la place. Ils s'en prennent plein la tête et ils s'énervent jamais. Donc voilà, ils ont vraiment un super savoir-faire là-dessus. D'ailleurs, ils ont agi pas plus tard qu'il y a 5-10 minutes, quand deux personnes ont essayé de se battre, enfin, se sont battues même à 50 cm de notre table. Voilà, juste pour vous rappeler qu'on est bien sur la place de la République et en direct. Et donc cette veille, vous avez donc ce volet formation et ce volet juste en gros vous déambulez un peu sur la place en allant voir un peu tout le monde et en disant que vous êtes là s'il y a un problème. Concrètement, c'est ça ? Oui, concrètement, c'est ça. Après, je pense que le but, en fait, c'est d'échanger aussi des deux côtés. Donc si par exemple ces brigades en gros féministes qui vont venir grossir nos rangs peuvent en même temps sensibiliser encore plus parce que c'est leur lutte et parce qu'elles ont aussi plus de réflexion et qu'elles ont vraiment travaillé sur ce problème de sexisme, elles peuvent justement plus. Amener aussi de la réflexion au sein de la Sérénité et en même temps du coup la Sérénité c'est aussi l'échange de savoir, l'échange de déambuler ensemble. En fait le but c'est aussi que ces personnes-là fassent partie de la Sérène. En fait elles seront pas avec un brassard ou un uniforme rose pour dire que c'est la brigade sexisme, elles feront vraiment partie de la Sérénité et du coup il y aura un échange des deux côtés et puis ça peut aider aussi des personnes de la Sérène qui du coup n'étaient pas forcément sensibilisées à ces questions-là à en apprendre aussi d'autant plus et c'est le but de République quoi. Un échange de bons procédés. Moi ce que je trouve bien dans votre initiative c'est justement que j'ai l'impression que Nuit Debout on nous demande toujours des résultats ou du moins du concret etc et j'ai l'impression que justement les choses sont en train de se mettre en place et que finalement les coopérations arrivent et que parce qu'il faut un temps de maturation avant de s'apercevoir de quels sont les problèmes et quelles solutions y apporter. Donc je trouve ça super et je crois que tu voulais rajouter quelque chose. Je voulais juste rebondir en fait sur la question de la pédagogie parce qu'il y a cette équipe de veille qui est en train de se mettre en place et c'est super important à plusieurs égards par rapport à tout ce qui a été dit aussi parce que le fait tout simplement pour les meufs sur la place de voir qu'il y a des meufs qui prennent en charge cette question de garantir un espace qui soit sécure pour elles, etc. C'est hyper important comme message parce que ça contribue à nous relégitimer en fait dans l'espace public et sur cette place-là. Mais on essaye d'avoir quelque chose d'un peu global aussi avec la dimension pédagogique. Et là, on a décidé de mettre en place des ateliers de théâtre forum. Alors, la date est encore à définir. Hein. Ça, normalement, je pense qu'on va en parler demain, parce que moi, je n'ai pas pu être à la réunion d'aujourd'hui. Donc, pour faire court, le théâtre forum, l'idée, c'est de partir de situations d'oppression réelles qui ont été vécues par les gens, de la mettre en scène et ensuite de proposer aux gens du public d'intervenir sur cette scène dans laquelle la personne opprimée n'a pas su ou pas pu réagir, dans laquelle aussi il y a très souvent des témoins plus ou moins passifs en fait, qui n'ont pas su ou pas pu réagir non plus. Présenter cette scène-là une première fois et ensuite la rejouer. À partir de ce moment-là, les personnes présentes peuvent intervenir pour essayer de faire changer cette scène et proposer des solutions. Et ce qui est hyper chouette, c'est que justement là, on n'est pas juste dans du théorique qu'on peut avoir d'ailleurs dans toutes nos commissions, un peu qui est hyper importante. Mais là, on ne va pas être juste dans « Ah, ça serait bien d'eux ». En fait, on va essayer face à cet oppresseur-là, dans cette configuration-là, est-ce que si on tente ça, tiens, est-ce que ça marche ? Peut-être ça ne va pas marcher, mais il y a des choses parfois, on en rêve depuis des années de les essayer, etc. Bon, et par ailleurs, on pense que c'est hyper important déjà pour que cette question de la sécurité, ça soit pas juste l'équipe de veille, mais que tout le monde se la réapproprie, se sente légitime, ce que disait Camille, hein, qu'on sente qu'on puisse attraper la première personne à côté de nous quand on se sent pas en sécurité et que cette personne-là soit apte à réagir. Mais ça, c'est pas juste du théorique, il y a aussi parfois, on peut avoir toute la bonne volonté du monde, on a la trouille, il y a l'état de sidération, on a aussi peur, par exemple, si on est un mec, d'arriver et puis de faire un peu le truc du grand chevalier servant, machin, et donc on n'ose pas, on sait pas, etc. Donc toutes ces questions-là, en fait, l'idée du théâtre forum, c'est de s'entraîner à résister et aussi de faire de la pédagogie, hein, que ce soit sur la réaction ou sur des problématiques qui sont réelles, puisqu'on part du vécu des gens, en fait. Ouais, non, c'est une belle initiative aussi. On va être obligé de conclure. Je vais juste faire un rappel que pour nos écouteurs, que s'ils veulent participer aux veillées antisexistes, ils peuvent se rapprocher de l'accueil un peu quand ils veulent. Et sinon, demain, il y a une deuxième réunion, c'est ça, à 20h. Et pour le Théâtre Forum, la date n'est pas encore fixée. Mais on a aussi une liste, alors si vous êtes là demain à la réunion, enfin on en parlera, ou ils peuvent me joindre, Laura. D'accord, et puis vous êtes sur le wiki peut-être aussi. Sur le wiki. Non, on n'est pas encore sur le wiki, okay. mais par Simon éventuellement. Les motivés trouveront toujours, ouais. De toute façon. Ça marche. Et bien, merci beaucoup les gars, bonne soirée. Merci à tous, vous êtes bien sur Radio Debout, on est encore là. Sur la place de la République, il y a de la musique. Et nous, on va terminer aussi en musique ce soir, à l'harmonica et au slam, avec Kelly Harry et Joey Providence. On va terminer avec eux dès qu'on pourra s'installer tranquillement. Installez-vous, mettez-vous, voilà. On s'installe tranquillement. Vous me dites quand vous êtes prêts. Just a minute. Just a minute. Sur Radio Debout. Come on, Kelly. Kelly Harry et Joey Providence, yeah, sur Radio Debout. He's my joy. Oh, space joy, his ghost blues, energy, and he's so well. Come on, joy, give me your soul, energy, his name. Is Joey Providence. Is my joy. Oh, sweet joy. He's got blues. Any joy. He plays so well. Come on, joy. Give me your soul. My honey. My honey joy. Merci beaucoup. On termine ce 75 mars Radio Debout. Merci. Ciao, Radio Debout. On vous retrouve demain. Toute la semaine. Le 18 va être une journée un peu chaude. Et le 20, il y a un débat sur... il y a une réflexion sur la séparation du MEDEF et de l'État avec un débat, mais on n'est pas sûr qu'on délocalise. Donc tu ne peux pas l'annoncer. Alors, une petite précision sur... Le 20, c'est il y a le pôle Lutte Debout qui organise avec Attac et avec d'autres organisations un tribunal populaire en fait, hein, fictif. On va tirer au sort donc un jury citoyen et qui va donc normalement déclarer la séparation du MEDEF et de l'État. On va faire ça devant le MEDEF le 20 au soir. Alors il n'est pas question de tout délocaliser là-bas, mais simplement donc il y aura quelque chose qui se passera là-bas et on essaye d'avoir le maximum de monde et on est en train de discuter avec les différentes commissions pour voir si, démocratiquement, comment on peut faire pour que, éventuellement, le maximum de gens soient là-bas. Voilà, ce sera le 20 devant le MEDEF. Merci.